Amen. Le combat se poursuit jusqu'à la mort. D'accord, frère bien-aimé. Ce que nous chantons là, c'est jusqu'à la mort. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus? Est-ce la famille? Est-ce la mort? Est-ce le péril? Est-ce la faim? Est-ce la nudité, frère? Est-ce parce que ton frère ne va pas donner un morceau de pain à mon frère? Est-ce parce qu'il t'a calomnié? Qu'est-ce qui pourra se séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Alors, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout et l'amour croit tout, frère. Nous devons prier pour arriver à ce niveau, frère. D'accord, frère bien-aimé? Amen. Amen. Chantez les derniers cantiques là. C'était le numéro 338. 338, c'est tout le monde. 338. C'est bon ça? C'est quoi le titre, frère? Certaines personnes ne l'ont pas. Quand Dieu se fait passer par le feu. Quand Dieu se fait passer au feu. C'est connu, non? 338. Quand Dieu se fait passer, on va compter pour elle. Baissons la tête, prions. Seigneur, tu nous as précédés par le chemin de la croix. Tu nous as montré qu'il y a point de gloire sans les tribulations. Point de gloire sans l'ignominie, sans la persécution. Mais, ô Dieu, tu nous as montré le chemin. Et tu as dit que ceux qui veulent te suivre doivent suivre cet exemple-là. Seigneur, tu nous as précédés et tu as tracé une fois pour nous cette route-là, route nouvelle inaugurée par toi, par ton sang précieux. C'est pourquoi encore ce soir, nous sommes venus au devant de toi, nous réunir au milieu de toi, Père de gloire, avec toi et avec les saints anges devant ton trône, pour te louer, pour te célébrer, pour la victoire que tu as acquise pour nous à la croix, une fois pour toutes. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ton amour pour tes enfants, Dieu de gloire, qui soupirent chaque jour auprès de toi. D'autres qui désirent seulement entendre ta voix, mais tu es avec eux. D'autres qui désirent seulement entendre ta voix, Seigneur Dieu de gloire, qui rêvent des rêves qui n'ont même pas de sens, mais tu es avec eux. D'autres, oh Dieu de gloire, qui soupirent seulement en disant, oh Dieu de gloire, que ton enfant, que ton serviteur puisse dire seulement un mot. Tu ne parles pas, mais tu es avec eux. Que ton nom seul soit glorifié, car tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Celui qui fait toutes choses selon le bon conseil de sa volonté. Seigneur, ils sont tous à toi. Nous sommes venus devant ta sainte présence ce soir. Tu connais nos cœurs, tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses. Daigne, ô Dieu de gloire, veille sur chacun de nous et comble nos cœurs et nos attentes ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on voit un sujet ce soir. Je ne sais pas ce qu'on verra. Le Seigneur peut vous donner comme sujet, mais si vous le trouvez bon, j'aimerais qu'on parle du mariage un certain temps. Du mariage, à moins que vous ayez un autre sujet à proposer. Hein, Fabrice, tu veux pas qu'on parle du mariage? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du mariage. Tu as pu écouter? Tu veux d'être marié? C'est bon aussi souvent d'écouter aussi des mariages chaque temps pour voir si on est sur la ligne du mariage. On peut s'évader un peu. C'est vrai. Oui, cher. J'étais un chrétien. Oui. Dans le livre du... Bon, pas que je ne connais pas le livre, mais ça parle les instructions que Dieu et Satan donnent à David. Un chronique chapitre 21 et 2 Samuel 24. Dans ces deux passages là, ça commence par l'Éternel excita la colère de David, et dans l'autre, c'est Satan excita la colère de David. Mm-hmm. Par la suite, après avoir excité la colère de David, après avoir poussé David à colère, après le dénombrement, Satan et Dieu l'a frappé parce qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Oui. Et aussi maintenant, dans un chronique là, où c'est dans 1 Samuel. 2 Samuel 24. Dans 2 Samuel, étant donné que c'est Dieu qui l'avait poussé à faire le dénombrement, Dieu l'a aussi frappé de la même façon. C'était dans l'enseignement de dimanche, il disait que Dieu ne veut pas pousser quelqu'un. Comme Dieu a frappé David parce qu'il a fait le dénombrement alors que c'était interdit. Tu disais que Dieu ne peut pas te pousser à faire quelque chose et il te frappe. Oui. Que Dieu avait frappé David parce que ce qu'il avait fait était interdit. Je veux savoir alors pourquoi maintenant dans 2 Samuel 24 là, Dieu l'avait frappé alors que c'est lui qui l'avait aussi demandé de faire. Mais d'accord, frère. Vous me vous souvenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au courant d'un enseignement, j'explique même le pourquoi, j'explique le problème qu'il y a. Lui n'a pas juste dit. Oui, frère. Ça c'est William, voilà notre William. Oui, frère. Qu'est-ce que j'ai dit ces jours-là déjà? Bon, en fait, il n'a pas été dit que dans un autre passage, Dieu a excité David et dans l'autre, Satan l'a excité. En fait, le frère a pris les deux passages pour nous démontrer qu'en fait, la Bible ne peut pas se contredire. Mais en lisant littéralement, tu as l'impression que ça se contredit. Parce que dans l'un des passages, on dit qu'on emploie Dieu et l'autre, Satan. En fait, le frère a expliqué que le diable, il a pris l'exemple de la situation qui s'est passée dans Job pour que nous puissions mieux comprendre parce que, en fait, le diable était venu quand les fils de Dieu s'étaient rassemblés. Il a demandé quelque chose qu'il voulait faire. Dieu a donc donné l'autorisation. Donc, en fait, c'est ce que le président a expliqué. Donc, par exemple, le diable voulait frapper Job. Il fallait que Dieu enlève sa couverture pour que le diable puisse frapper Job. Donc c'est ça que le frère essayait d'expliquer. Donc ce n'est pas deux événements distincts. C'est le même événement raconté de façon différente. Parce que quand je dis que pourquoi donc dans deux connus, il avait fait, il a frappé, alors que là-bas, il n'a pas fait, il a frappé. Donc c'est la même chose qu'on a déjà raconté. Mais on a raconté sur des angles différents, d'accord? La Bible déclare qu'il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de votre... Regardez bien, quand la Bible dit, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, qu'il ne permettra pas que vous soyez tenté au... Donc, la tentation est faite suivant ça. Suivant ça. Mais c'est pas quand même terrible ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tentation qui n'est faite suivant sa permission. Il faut qu'il signe le mandat pour qu'on détende. Satan ne reste pas souvent comme ça. Il vient dire à les enfants de Dieu. Quand ce sont les gens dont Dieu a dit que voici ma marque d'autorité, voici mon appartenance, Satan va devoir le tenter. Quand le Seigneur allait dans le désert pour être tenté, qui l'a envoyé là-bas? Qui a envoyé le Seigneur jusqu'au désert pour être tenté? Le Saint-Esprit. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? On dit alors, Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous parlez de Bible là-dedans. Donc, souvenez-vous, et la Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qu'il était humain. Donc, si tu n'as pas de tentation, c'est parce que tu peux tenir. Si Dieu a permis une tentation dans ta vie, donc tu peux tenir. Et lorsque tu sors de cette tentation-là, tu es victorieux parce que Satan ne peut plus te tenter de cette façon-là parce que tu as eu la victoire sur lui. Il va seulement tourner pour chercher une autre époque favorable. D'accord? Amen. Des questions, frère? Assieds-toi, tu parles. Je sais pas où tu vas debout là. Je ne suis pas à l'aise comme ça, frère. Vas-y, parle là-bas. Dans Jack, là où il dit. Dans Jack. Là où il parle de. Dans quoi, frère? Jack. Jack Bo, hein. Jack, c'est Jack. Mm-hmm. Bon, là il parle de. Les bœufs des orphelins. Il dit la religion que Jack fait de s'occuper des orphelins des bœufs. Je veux savoir. La question qu'il veut poser, c'est. Est-ce que. Quand il dit de s'occuper des orphelins des veuves, c'est s'occuper des orphelins et des veuves qu'on a autour de nous, ou bien, parce que je parle aussi en regardant les orphelins chrétiens qu'on a aujourd'hui. Je veux savoir, parce que j'avoue aussi celui d'un enfant qui dit qu'il n'y a pas d'orphelins chrétiens, ça se m'a bloqué comme ça. Comme tu as vu quelque part, hein? Oui. Où ça? Ah, non, pas chrétien. Je vois seulement les orphelins catholiques et protestants. Bon, il dit, tu l'as vu, quand il parle, laisse-le dans la Bible, tu en as vu? Non. Si je vois pas, c'est ce que je me dis qu'il n'y en a pas. Les institutions humaines sont différentes de la chose chrétienne. D'accord? C'est que les hommes ont décidé de faire pour leur gloire. Ça n'a rien à voir avec la Bible à elle. Si, il faut que Dieu ordonne quelque chose, d'accord? Oui. Mm-hmm. Continuons la question. Qu'est-ce que vous voulez dire? Maintenant, il veut savoir si quelqu'un a l'intention de partir visiter, a besoin de envie de faire la volonté de Dieu en s'occupant des orphelins et des vieux. Et qu'il aille plutôt dans les orphelins, comme voir dans les orphelins des hommes là. Est-ce qu'il fait mal devant Dieu ou est-ce que Dieu va le frapper? On t'a envoyé me tenter. Dieu a ordonné quoi dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu a ordonné? Tu as lu quoi? On a dit quoi? C'est la religion que Santas fait. C'est quoi? S'occuper des orphelins des veuves et des filles de la suivante. Ok. Des questions, frère? Vous êtes d'accord, on parle du mariage un peu. Comment le frère Arnaud a bougé la tête directement, vous savez qu'il est fini, il a bougé la tête comme ça. Même la soeur, s'il veut qu'on parle du mariage. Si vous voulez qu'on parle du mariage, on parle un peu du mariage. On va. Je ne procède pas des questions, ou bien on ne procède pas des questions pour que. C'est en fonction de vos questions qu'il peut entrer, parce que le mariage est vaste. Souvenez-vous, c'est la première des institutions du Seigneur. Comme ça, on ne possède pas de questions. Je vous pose une question. D'accord, frère? D'accord? Vous êtes fatigué? Vous avez peur qu'on dit que vous n'êtes pas bien marié? Quand je parle de mariage, vous commencez à tourner la tête comme ça, que peut-être on peut faire comme ça là, et ça me juge. Vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, c'est ça, non? Mm-hmm. Supposons que vous avez une femme au devant de vous qui vit avec un franc-maçon. Et c'est une femme chrétienne, et le franc-maçon refuse de se convertir. Elle ne veut pas suivre cette religion là. Est-ce que vous allez considérer cette femme là comme mariée à cet homme là? Vous parlez d'amour ventre, moi je pas d'amour, hein? Vous êtes d'accord qu'elles sont mariées? Si cet homme là va dans son sanctuaire, il fait des incantations n'importe comment, et il vient le soir, il dit qu'il veut saluer sa femme, vous comprenez ce que veut dire saluer sa femme? Est-ce que la femme a le droit en tant que chrétien de refuser? Non. Même si c'est avec le. Elle a fait les incantations, les démons sont entrés dans lui, frère. Est-ce que, bibliquement parlant, elle a le droit de se refuser de son mari? Non. C'est-à-dire que vous avez votre petite soeur ou bien votre soeur ici en Christ qui tombe entre les mains d'un sataniste comme ça. Vous allez dire, ma soeur, tu n'as pas le droit d'être sous soeur et ton mari, c'est ça? Hein, frère? Oui. Mm-hmm. c'est douloureusement, on va t'amuser. Même si c'est avec douleur. Même si c'est de douleur. Même si elle souffre. Avec douleur, ben, c'est pas évident de supporter ça. Frère Jimmy, tu as accepté que ta petite soeur vive comme ça, mais tu vas dire que la Bible, tu vas chercher quelques versets de lui pour l'éliminer. Qu'est-ce que vous allez faire? Permettez-moi de lire, je crois que ceci va nous meubler par rapport au sujet qu'on va voir ce soir. Je vais lire en taisant le nom, d'accord? Donc je vais contacter le pasteur dont il est question, celui qui s'appelle prophète là. Je vais contacter pour qu'on résolve ce problème-ci. Je vais vous lire l'intégralité du problème de la personne pour qu'on voie. Bonjour frère Junior, voici mon problème. Je connais ma femme depuis 15 ans. On habite ensemble depuis 10 ans et on se marie au mois de mai dernier. Nous sommes entrés dans une église depuis 2 ans avec ma femme et mes 2 enfants. Nous nous sommes mariés avec l'accord du prophète de cette église. Mais au mois d'octobre dernier, le prophète déclare que notre union ne vient pas de Dieu et il demande à ma femme de quitter le foyer conjugal. Donc depuis 3 mois, elle vit désormais chez le prophète à l'église. Voilà le problème que l'église fait face. Donc, on prie pour la repentance pour le Cameroun, on se tourne à la maison, il y a des problèmes. Voilà. Alors, je veux que vous me dites, que quelqu'un me dise quel est le problème avec ce cas-ci. Ce prophète a-t-il oui ou non raison? Je veux que vous parlez. Si vous parlez, je prends ma Bible, je pars. Vous êtes là, vous me regardez comme les poupées, comme ça. Là, vous êtes devenu poupée. Ce prophète a-t-il raison? Non, il n'a pas raison. Pourquoi? Ceux qui sont mariés, la Bible déclare dans 1 Corinthiens, c'est qu'ils ne se séparent pas du tout. A-t-il une autre Bible? Il veut vous dire le pourquoi ça ne voulait pas ce cas, c'est pourquoi nous étudions. Ce garçon-ci a sûrement une famille. Cette fille-ci a une famille. Ils ont certainement assisté lors de leur mariage. Quand ils vont voir de telles choses, qu'est-ce qu'ils vont dire des églises? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, frère. Déjà, si j'ai bien suivi, le monsieur en question dit qu'ils se sont mariés avec l'accord du prophète en question. Je vais relire encore, d'accord? Bonjour, frère Junior, voici mon problème. Je garde tout ce qu'on a dit là-bas et par la suite. Je connais ma femme depuis 15 ans. On habite ensemble depuis 10 ans. Et on s'est marié au mois de mai dernier. Nous sommes entrés dans une église depuis 2 ans avec ma femme et mes 2 enfants. Nous nous sommes mariés avec l'accord du prophète de cette église. Mais au mois d'octobre dernier, le prophète déclare que notre union ne vient pas de Dieu. Et il demande à ma femme de quitter le foyer conjugal. Donc depuis 3 mois, elle vit désormais chez le prophète à l'église. Je dirais qu'on devrait déjà poser des interrogations sur son titre de prophète parce que si... Il a donné son accord. Oui, j'ai même pas vu la suite de ce message. Permettez-moi. Oui, tout le temps de parler des personnes, des parts d'eau de la famille. Regardez, suivez la suite du message. Sa soeur a appelé aujourd'hui en disant qu'on lui a dit quelque part hier que si tu veux tuer ma femme et mon fils pour faire avancer son église. Oui. Devant cette situation, supposons qu'un sorcier périlleux fait que l'enfant meurt. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport au pasteur là? On va dire quoi? Alors, qu'est-ce que l'église ou bien un prophète ou bien un pasteur a à voir dans cette situation-ci? Vous avez ceci devant vous. Comment vous allez résoudre ces choses-ci? C'est bien de connaître que l'homme a été créé pour la femme et il n'y a qu'un homme, une femme. C'est bien. C'est bien de connaître que dans Marc et dans Matthieu, Jésus dit, si un homme répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, et en prend une autre et pousse la femme à être adultère, comme vous savez, comme il dit. C'est bien de comprendre que la femme ne doit pas se soucier de son mari, comme 1 Corinthiens 11, 5, 7 dit. Mais l'affaire du mariage, quand vous avancez vos pieds dans une relation pour ouvrir vos soupapes, pour dire quelque chose, vous ferez mieux de bien mesurer bien le nom de la personne que vous avez prononcé là-bas, si c'est le vrai Jésus que c'est Nazareth. Parce que vous avancez dans un terrain où vous n'avez pas la maîtrise de la volonté de Dieu. Quand tu pries pour toi-même, tu n'as même pas d'abord la volonté de Dieu, mais tu es en train de vouloir conseiller quelqu'un dans la volonté de Dieu concernant un sujet dont tu vas passer toute sa vie avec. Frère, imagine que si tu fais l'erreur, qu'est-ce que tu en es? Imaginons que si tu fais l'erreur. Alors donc, il faut qu'on recommence encore en comprenant c'est quoi le mariage. Pourquoi Dieu a fait le mariage? Quelles sont les conditions pour le mariage? Pourquoi on doit se marier? D'accord? Le mariage est une institution divine. Tout le monde le sait. Viens t'asseoir ici, mon cher. Viens t'asseoir. T'asseoir là-bas comme ça, l'air va te toucher là-bas. Le mariage est une institution divine. Si le mariage est une institution divine, pour que quelqu'un y va, il faut qu'il y aille avec la volonté de Dieu. Lisons la première relation du mariage telle que Dieu donnait. D'accord? Allons dans Genèse chapitre 2. Je dis, c'est en fonction de vos questions que je vais avancer ce soir dans ce domaine. Si vous n'avancez pas, moi je suis déjà marié. Hein? Moi je suis déjà marié. C'est en fonction de vos questions que je vais avancer. Vous voulez vous marier? Voici la soeur Marlie. Je prends un exemple simple de son cas. Comme elle était venue, on a dit, ah, supposons que c'est là où elle se trouve, tu caches quoi sur ta bouche? Maintenant, quand c'est bon, maintenant, est-ce que je suis avec toi? 3 années plus tôt, comment elle est venue? Ah, mon mari m'a mis dehors, il a pris une autre femme. Vous demandez aux gens aujourd'hui, quelqu'un dit, si quelqu'un se marie, il est seul, il a 5 femmes. S'il croit à l'évangile, il va chercher les 4 autres. Et rester avec la première, parce que la première est sa vraie femme. Dis à ton voisin que qui t'a dit? Qui t'a dit? Voilà ce qui se passe au milieu du campagne de Gautis. Alors je pose la question. David était-il marié? Oui. Avec qui? Avec? Donc tous les femmes étaient ses femmes. On a cassé combien de côtes pour sortir de David pour arranger les femmes? Salomon était-il marié, frère? Oui. Vous imaginez que si vous comptez les côtes de Salomon, ça ne peut pas être quand même 1000, pas vrai? Comment a-t-il fait pour avoir 1000 alors? Et les 1000 étaient ses femmes, frère? Lorsque Jacob est allé avec Bilda, est-ce que Ruben avait encore le droit d'y aller? Non. Pourquoi, frère? Là? Vous avez vu que quand on a reproché son père, que tu es d'abord lui, tu es allé là-bas, pourquoi? Alors le mariage pose problème aujourd'hui parce que le foyer veut être attaqué. Je vous avais dit que en milieu chrétien se trouvera un moment de divorce record. Et principalement au milieu dit chrétien. Remarquez en Europe aujourd'hui, les gens se marient par intérêt. D'autres se marient de façon expéditive. Quelqu'un se marie pour avoir le papier. Mais avant qu'il se marie, il te dit tous les jours les choses bonnes du monde. Oh chérie, je t'aime. Ah bon? Tu livres ton cœur comme ça. Quand il livre ton cœur, quand il a son papier, pam, il te lâche. Tu entends maintenant qu'il avait Vanina, il avait Virginie, il avait Gomez de l'autre côté, Selena de l'autre côté là-bas. Mais là, ils sont papiers. Le problème, c'est que des gens ne savent pas qu'en faisant de telles choses, ils ont fait alliance et Dieu. Tu vois qu'on dit, oh Seigneur, je te demande pardon pour cela, que je prends mon papier, puis je demande pardon. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Quand Esaü avait vendu son droit de naissance, ce n'est pas grand chose que de dire, tombe la nourriture, mange, prends ça. Il a fait ça. Une seule fois, frère, pas tous les jours, une seule fois, c'était terminé pour lui d'hériter plutôt les malédictions. Quand son père voulait le bénir n'importe comment, son père n'avait pas le contrôle pour ouvrir sa bouche. Son propre père. Mais souvenez-vous, son père a quand même mangé encore son gibier. Ça n'a pas transformé son cœur par rapport au sentiment père-fils. Parce que si tu dis quelque chose, toi qui es assis devant moi, il dit que tu es béni au nom du Seigneur. Si cette parole, tu es béni au nom du Seigneur, ne vient pas du trône, je suis en train de bavarder. s'il voit une femme qui doit enfanter, il dit que reçois ton enfant. J'ai une maison qui distribue les enfants. Si c'est pas le Saint-Esprit qui parle, ça ne changera pas parce que c'est lui qui parle, les événements viennent en action. D'accord? Alors, on est à entrer dans le milieu de l'église où les pasteurs et les prophètes ont la main mise sur l'église, sur le mariage, au point où l'un dit que c'est toi qui es le mariage de telle ou telle chose. C'est telle ou telle. Il y en a des gens comme ça, on a brisé les foyers comme ça. Quitte-le, si t'es devant, quitte-le. Mais la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3 que femme, que chacun de vous soit soumis à son mari. Même pour ceux-là qui ne croient pas, afin que, même s'ils ne croient pas, qu'ils soient gagnés. Alors, quand un homme ne croit pas, ça se pose un incroyant, non? Si c'est un incroyant, alors maintenant vous pouvez le catégoriser dans plusieurs strates. Il peut être franc-maçon, parce qu'il ne croit pas. Il peut être un rosicrucien, un marabout, un athée. Ce sont les attributs hein, du même camp. Le seul fait qu'il ne croit pas, il est dans un camp. Donc, s'il ne croit pas, il est un sataniste. D'abord, c'est le nom qui va amplifier même pour être grave. Franc-maçon, dit un franc-maçon. Le fait qu'il ne croit pas, il est déjà dangereux. C'est parce que c'est ici. Alors maintenant, de dire à quelqu'un que comme ton mari est franc-maçon, là, n'accepte pas qu'il te touche, fais chambre à part. Vous aventurez où là? Sur quelle base tu peux prendre les écritures pour dire? Et la Bible dit dans l'écriture que femme, que je paie, que la femme rende à son mari, ce qu'elle allait dire. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Et que le mari rend à la femme. Il n'a pas dit qu'à un. Si les sorciers fuient-le. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous dites. 1 Corinthiens 6 dit que la femme ou quoi, quand celui qui s'attache à la prostituée avait eu un seul corps, c'est le cas de la prostituée là-bas. La prostituée, ce n'est pas quelqu'un qui est marié. Quand c'est la prostituée, donc quelqu'un qui va pour de l'argent ou bien pour autre façon. Mais pour ce qui est des mariages, il ne s'agit pas d'échanger ces choses-là, n'est-ce pas, frère? Amen. Genèse chapitre 2, donc. Donc le mariage pose problème au milieu de l'église aujourd'hui. Combien j'entends, une des fois, ce fois, c'est une femme en Guadeloupe, je crois que c'est en Guyane française qu'on a disloqué comme ça. Oh, quitte-le, juste parce qu'il vivait en haut, la femme vivait en bas, dans la même maison, et les enfants sont au milieu. Les enfants ne peuvent pas faire parce qu'on a donné un mauvais conseil. Et après, il dit que la voix de Dieu, c'est ceci. Va regarder ton mari, demande-lui pardon. Là, demain, aujourd'hui, maintenant, ils sont bien régularisés, toutes les familles sont unies. Donc, quand on ne connaît pas la pensée de Dieu, des restes, c'est une chose. Dit, frère, je n'ai pas de grâce pour te dire ces choses-là. Va vers un autre frère qui peut avoir des grâces pour te conseiller. Ça ne sert à rien de se mettre là-bas de boasting, c'est quoi? De s'enorgueillir en disant que je suis ici, je sais ceci. Frère, si tu dis ça, que je connais la pensée de Dieu, que ta femme c'est telle personne, et que ce n'est pas ça, tu amènes cette personne sur où? Lisons Genèse chapitre 2, verset 18 et suivant. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons parlé de ce mariage-ci en série. On a parlé des dons spirituels. Je crois qu'au fur et à mesure, ce n'est que le décor qu'on a déplanté maintenant, d'accord? Tous les aspects du mariage, et je regarde encore, cet enseignement s'il va avancer en fonction de vos questions. Vous ne posez pas de questions, je resterai tranquille. Je dis, je suis marié. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est le verset 18 qui dit cela. Donc, Dieu a vu le désir de l'homme, n'est-ce pas? Il lui a fait la personne dont son désir accepterait. N'est-ce pas, frère? Puis, cette personne qu'il fait pour cet homme-là doit lui plaire. N'est-ce pas, frère? Puis, il appelle cette personne-ci aide. N'est-ce pas, frère? Amen. C'est quoi une aide? Il dit aide semblable à lui. Donc ça veut dire que cet homme-ci a une tâche vis-à-vis de Dieu. Et celle-ci doit être à ses côtés pour le soutenir. Alors qu'adviendrait-il si celui-ci ne connaît même pas ce à quoi il a été appelé? Les deux vont où? Pas maintenant que beaucoup d'assemblées sont dirigées par les femmes. Vous entendez le pasteur, on dit que c'est la femme qui porte l'église. Que c'est la femme qui a la vision, l'homme dirige seulement. Donc c'est l'homme qui est son aide semblable. C'est l'homme qui est son aide semblable. Dans la Bible déclare que l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Continuons verset 19. Souvenez-vous que la femme n'a pas été faite. Je veux que vous remarquez bien là à l'origine. La femme n'a pas été faite pour que l'homme le prime. La femme a été faite pour donner de la joie à l'homme et qu'ensemble ils accomplissent la volonté du Seigneur. C'est ce que le verset 18 nous renseigne. N'est-ce pas? La femme a été faite pour accomplir la joie, la satisfaction. Parce que l'homme était seul. Pour qu'il ne soit pas seul, pour qu'il soit accompagné. C'est sa compagne, comme il nous dit dans ce livre de Malachie, chapitre 2, verset 14 à 16. La compagne, ta femme de ta jeunesse, n'est-ce pas? La femme de ton alliance, à laquelle tu es infidèle. Vous me suivez, frère? Amen. Alors ici, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc c'est Dieu qui fait. Remarquez encore, puisqu'on va, on va développer cela. Mais ici à l'origine, encore, parce que s'il avance là, il avance, il va y revenir quand même. Après, il y aura un problème au niveau des femmes. Et Dieu va maintenant commencer à dire que pour trouver vraiment une femme là, ça devient vraiment difficile. À l'origine, s'il n'y avait pas de problème, c'est que pour trouver une femme, on n'aurait pas de problème. Nous sommes à l'origine ici. Dieu trouverait les femmes de quelqu'un selon la satisfaction et selon les tâches qu'il a déléguées à chacun. Mais quelque chose s'est passé au chapitre du Proverbe, vous savez bien ce qu'il est question. Et Salomon s'est embrouillé avec 1000 femmes. Il a conclu dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 27. Il a dit, j'ai trouvé un homme parmi 1000, mais pas une femme parmi toutes. Vous entendez ça, frère? Appelez son testament. Il écrit quelque part dans son testament que si par derrière vous trouvez la femme, c'est que c'est la grâce que vous avez eue. Donc quelque chose s'est passé au fil du temps avec les femmes. On va y arriver, d'accord? Mais dès l'origine, restons dans l'origine du mariage. Parce que l'origine sans problème, sans qu'il y ait problème, sans qu'il y ait péché, nous permet de comprendre la volonté de Dieu, le plan et les différentes orientations qu'il nous donne. Le mariage ne concerne pas comment tu dors. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Vous voyez une tâche, n'est-ce pas? Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Quelle tâche fastidieuse. Il amène les animaux vers l'homme. Dieu reste tranquille de l'autre côté. Celui qui a fait les animaux. Après, il amène les animaux pour voir comment l'homme va donner le nom. Pour que l'homme donne le nom. Maintenant, il a dit qu'une aide semblable. Maintenant, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. D'aide semblable à lui, il ne trouva pas. Il a fini comme ça. Il regarde, mais qui peut m'aider dans cette tâche? Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Une de ses côtes. Frère, il y avait un frère comme un frère se lève. On dit qu'un frère se lève, Jimmy regarde le frère qui est à côté de lui. Donc, tu es où, sœur? Touche tes côtes, voir, compte tes côtes gauche et droite, voir. Comptez aussi les vôtres, parce que peut-être vous êtes les uniques. Côté gauche, tu en as combien, toi? Tu as tellement de chair là-bas que tu ne peux même pas repérer la côte. Qui est maigre ici? Quoi, le frère Blaise? Oui. Tu as combien, frère Blaise? Tu n'as pas encore fini. Finissez, je vous attends. Comptez vos côtes. Toi, tu comptes la côte, toi, tu regarde la femme ici. Tu comptes la côte. On a dit que quelqu'un est sorti de toi. Il m'adresse aux hommes ici. Toi, tu as dit d'un côté, frère. Frère Jean-Pierre, tu as combien de côtes à gauche? 5 ici, 5 ici. Je vais voir. Toi, tu as combien, frère Arnaud? 5. Donc, tu as 10 yeux comme lui. J'attends les noms. Dans les deux côtés, tu as 5, 5. Allons-y. Comptez. Mais vous avez déjà lu Genèse chapitre 2, non? Et vous n'êtes jamais arrivé de faire les exercices qu'ils sont à vous demander là? Vous lisez seulement, vous passez seulement. Hein, bienvenue, mon cher. Bienvenue. Toi, tu as 6 ici. Et 5 là. Tant qu'il est debout depuis là, tu n'as pas encore donné un chiffre. Tu n'as pas encore fini avec tes côtes. Tu as beaucoup de côtes. Je pense que c'est un polygone là-bas, pas vrai? Tu as combien de côtes, mon frère? C'est toi qui t'es levé. Tu en as combien à gauche? Bon, toi, tu as combien là, frère? 6. Donc, dans ta côte droite, tu as 5. De l'autre côté, tu as 6. Je crois qu'il va falloir que vous fassiez les radios. Toi, tu en as combien? Je n'ai pas pu compter. Tu n'as pas pu compter? C'est tellement beaucoup. Non, je ne connais même pas. Il y a la chair sur toi. Frère de Nassim, tu en as combien? Que je fais, c'est moins de ce côté. vous me tenez dans cette assemblée-ci. Tu as combien? Bon, de toute façon, comme on n'est pas unanime, continuons la lecture ici. J'aurais souhaité prêcher pour dire quelque chose là maintenant. Verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Oh mon Dieu. Ah. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il imposa à l'homme. Et il l'imposa à l'homme. C'est ça, non? Tu refuses? C'est pas comme ça. Et il a fait quoi? Le mariage n'est pas imposé. Le mariage n'est pas imposé. C'est pour ça que même dans le droit, même dans le droit humain, pour le cas du Cameroun, aucun mariage ne peut être célébré s'il a été observé, obtenu par? Par force. N'en parlons pas si c'est les mineurs. Pour qui ce soit les mineurs, il faut qu'il y ait des parents. Ou bien qu'il y ait des, vous appelez des tuteurs. Alors la Bible déclare que Dieu, malgré qu'il a fait cela, il n'a pas imposé ce qu'il a fait à l'homme. Il l'a amené vers l'homme. Regardez bien cela, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, donc l'homme a agréé. Voici cette fois. Celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y a des choses ici dans ce verset, c'est des choses seulement. Qui a dit à Adam qu'il a été prise de lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'église? Nous sommes parlé du mariage parce qu'on est obligé d'aller sur l'église, Christ et l'église, et puis il est revenu le moment où il est revenu. Maintenant, puis verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, le mariage donc devient donc l'union des deux âmes. L'union des deux âmes qui doivent consentir, selon le verset 21 et 22, qui doivent consentir, ils doivent agréer, accepter de s'unir. Et leur agrément, le fait d'accepter, fait autorité dans le ciel. C'est ce qui est présenté là-bas. 1. Avez-vous vu le témoin à ce mariage? Non. Vous avez vu les parrains? Non. Robe de mariage? Non. Vous avez vu les DJ? Non. Les enveloppes des prêtres? Non. Vous avez vu les beaux-parents ont demandé les dots? Non. Il y a un problème là. Vous allez me dire que non, il n'y avait pas de beaux-parents, il n'y avait pas de personne. Ok, on va avancer. Il dit, ça c'est le parfait ici. Donc s'il y a l'ambiguïté n'importe où, en tournant, c'est ici qu'on va revenir. On avance ici. Vous avez vu quelque part ici, on a dit que si c'est une monogamie ou polygamie. Non. Quand Adam a dit que voici cette fois-ci, celle, il a fait son choix. Celle-là, c'est au singulier. Puis, quand il a dit cela, c'est Dieu qui a conclu. Il faut que vous sachiez, là où on a fini là, c'est pas Adam qui a prononcé ça. Écoutez très attentivement. Là où il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est prononcé par le Dieu Tout-Puissant. Cette parole-là est prononcée par le Dieu Tout-Puissant, pas par Adam. Adam a dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os chair, de ma chair. On l'appellera du nom de la femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ça, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Adam est en train de dire? Voici l'être qui trouve en qui je trouve ma satisfaction. C'est une partie de moi. Elle ne pourra plus me quitter. Dieu dit, dans ce cas, comme tu l'as fait ton choix, c'est ainsi donc la définition du mariage. C'est ça que Dieu a donné là-bas. La définition du mariage est donnée dans ce dernier verset. L'homme quittera son père et sa mère, l'homme. Quittera son père, sa mère, quittera sous l'autorité. Quand il va grandir, quand il va se soustraire de l'autorité de son père, il pourra faire son choix de l'être avec qui il est pour vivre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas la femme que son père aura choisie pour lui. Sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, Dieu étant magnifique, Vous ne pouvez pas décrire Dieu avec un seul. Vous allez prendre Dieu que Dieu est comme ça. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais décrire. Alors Dieu, comme il est divers, étant un, le même, cette même entité, cette même personne, qui est tellement grand, immensement grand, qui se montre sur différentes formes, un peu comme une lumière, jeu de lumière qui tourne, un temps vous voyez rouge, un temps bleu, un truc ceci. Quand tu vois, si tu tournes là, tu vois la lumière faire vomir, tu dis c'est bleu, tu sors comme ça sans regarder bien. Tu vas dire à quelqu'un, dit la lumière était comment? Tu dis c'est bleu. Quand quelqu'un entre, il voit que c'est le rouge qui a été montré. Il rentre, il va dire que tu as toi, pas vrai? Bah, pourtant c'est la même lumière, c'est la même chose qui a été tournée, ça m'envoie tantôt la lumière bleue, tantôt la lumière rouge. Alors, Dieu a fait le mariage de la même façon. Vous n'allez pas voir un mariage type dans la Bible, mais vous allez le voir en image présenter les différents aspects. Le type de mariage, c'est-à-dire que les fondations du mariage sont identiques. Les rencontres amoureuses sont différentes. Adam, sa part, c'était qui va être semblable à moi. C'était sa soif avant que sa femme ait venu. Pour d'autres personnes, ils disent que je sens désiré déjà. Oui, mais mon être, ça vient. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'objectif, c'est le point de départ, c'est qui donne l'étincelle pour le mariage, diffère les uns les autres. Les motivations pour le mariage, donc, importent. Les motivations pour le mariage importent. On ne se marie pas par imitation. Que voici, mère, tous mes camarades de classe sont mariés, il faut que je me marie aussi. Tu te maries, tu pars haut. Les gens se marient aujourd'hui. Le lendemain, tu entends que mais j'ai fait un mauvais choix. Il y a même un autre qu'on demande que accepte, le maître demande que tu le prends pour épouse, il reste dans la salle, il regarde comme si il réfléchit encore. On dit que toi, on n'a pas. Il dit, il est là comme ça, il est en train de se marier. Amen. On avance, frère. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'amour. Premièrement, le mariage, c'est l'amour. Il n'y a point de mariage sans mort. Tout mariage qui se fait sans au préalable la mort des participants est voué à l'échec. Il veut que vous me saisissez bien. Tout mariage qui se fait sans au préalable la mort des participants, de ceux qui font le choix, se voit à l'échec. Parce que s'ils sont vivants, ils vont lutter. Il veut parler, il veut que ça pénètre d'abord, puis j'avance. Et vous allez voir que ce sont ces choses qui causent les divorces. Adam ne s'est pas marié jusqu'à ce qu'il s'endorme dans le sommeil. Quand il s'attendait à dormir encore, alors il pourrait se ressusciter maintenant pour se marier. Christ ne pouvait pas se marier sur la terre alors qu'il est vivant, marcher ici. Il a fallu qu'il passe par la mort pour avoir une femme, pour qu'ils puissent être ensemble pour toujours. Il n'y a pas de mariage sans la mort. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Vous dites, je vais me marier. Je sors de chez mes parents. Je me suis battu, j'ai construit ma maison. Ça, c'est une femme. L'homme de l'autre côté, j'ai acheté mon champ. J'ai mon compte en banque. La femme a son compte en banque. Les deux se rencontrent dans un cap. Ils sont rentrés dans une bibliothèque. Pas qu'ils se rencontrent. Vous appelez cela, comment vous appelez cela? Coup de foudre. Ça les frappe. Le coup de foudre. Vous savez, le coup de foudre vient seulement depuis, pas vrai frère? Coup de foudre. Ça les foudroie le cœur. Qu'est-ce qui va arriver? On commence à se donner un rendez-vous. Mais quand on se donne rendez-vous, chacun s'avance. Il tape le terrain seulement pour savoir si ça va aller. D'autres dans le monde ont pas de marabout pour voir si avec Gabriel ça va marcher. Là, l'initiation maintenant du mariage est entre les mains de Satan. Laissons cela. Parce que si on va dans le monde, ça va nous éloigner. Restons dans le cadre chrétien, dit chrétien. Alors, lorsque vous rencontrez ces deux êtres qui se rencontrent, vous allez voir au milieu chrétien, des choses commencent. On va se marier sur quel régime? On commence à poser cette question en milieu chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il y a un problème déjà. Ok. Lorsqu'il pose le problème, il se trouve un consensus. La maman de la fille, ou bien les parents, ou bien n'importe qui, commence à lui donner le conseil. Ne fais pas qu'elle sache que tu as le bien. Garde ça derrière. Parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est ce que sa maman à elle dit. De l'autre côté, la maman et le papa de l'autre dit que mon fils, j'ai les cheveux blancs, il sait ce que c'est que les femmes, tu ne les connais pas bien. Même si elle est chrétienne, tout son corps n'est pas chrétien. Que toute sa vie n'est pas chrétienne, tu es sûr? Les femmes sont les panthères. Elle cache ta grippe comme ça, quand elle sera à la maison, elle va te sortir ça comme ça. Tu connais le voisin tel nom, il est mort de quoi? Il s'est écrit cardiaque, non? N'est-ce pas sa femme pour dire le bien? Tu regardes comme ça, l'événement te donne la réalité. Tu regardes la femme que tu as dit, que tu dis que tu t'aimes, maintenant que tu veux comment? Les comptes que tu as là-bas, quand tu as avec ton dossier, tu peux pas cacher ton dossier chez ton ami. et vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de dire vous allez vous marier. Conséquence, vous voulez vous marier dans cette condition. Je l'accepte de prendre pour elle épouse, sans comprendre qu'en réalité, il faut au préalable que tu meurs à tes propres intérêts et que tu vives désormais pour elle. Et qu'elle meurt à ses propres intérêts et vive désormais pour toi. Donc vos destinées sont liées pour toujours. Toute personne qui ne sacrifie pas ses intérêts lors du mariage, avant de se marier, ses intérêts-là vont laisser réveiller pour les créer des problèmes. C'est pour ça que vous allez entendre une femme dire, je veux d'abord travailler, garder mon argent avant de m'aventurer à le mariage. Je ne veux pas que l'homme me raconte n'importe quoi. Voici quelqu'un, un candidat au divorce futuriste. Il dit, mais voici quelqu'un, voici une candidate au divorce futuriste. Quelqu'un qui est veuve au divorce. Parce que l'homme ne peut pas lui dire n'importe quoi. Tu me fais n'importe quoi, moi j'ai le salaire comme toi. Si tu veux, fiche-moi le camp. Les hommes sont finis dehors. Voici quelqu'un, voici un genre de foyer. C'est la mort. Alors, quand on dit le mariage, c'est la première des institutions de Dieu, qu'est-ce qu'on veut par là dire? C'est quelque chose qui est cher. C'est un projet tout autour duquel tous les plans de Dieu vont s'accomplir. Dieu va construire tout le plan pour montrer ce à quoi il a de vouloir montrer. C'est en ce sens que le mariage est le premier. Parce que ce mariage, il voulait typifier, vous montrer quelque chose qui est à venir. Vous savez de quoi il est question, n'est-ce pas? Alors, ceci donc est un type de ce qui est censé venir en réalité. Et si cette réalité doit se présenter, il faut qu'on regarde tout autour les pièces de l'édifice pour voir comment la construction est faite. Si on regarde ça de la bonne façon, on va comprendre qui participera au corps de Christ, qui ne participera pas. D'accord? On va toucher ça avec lui, on va toucher l'enlèvement, automatiquement. Alors, quelqu'un qui n'est pas mort, quand je parle de mort, ça ne veut pas dire que vous allez chez les marabouts, on les tue. C'est pas ça dont je voulais parler. Ça veut dire que si je viens pour choisir une autre personne, mes choses privées maintenant ne sont plus privées pour moi. Mes choses privées ne sont plus privées pour moi. Parce qu'il n'y a plus rien de caché ici. Nous partageons. Les deux devenons une seule chair. Et la Bible va plus loin en expliquant le mystère. En disant que si je choisis une femme comme épouse, il y a une substitution. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas, frère? Tu vas taper. C'est qui ça? C'est une sœur. C'est la femme de qui? La femme du frère Donatien. La Bible déclare que je vais les taper Donatien. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ça, tu confirmes. Comment tu dis? Ah, d'abord, oui, c'est ça, tu confirmes. Qu'est-ce que ça? La Bible dit quoi au juste? La Bible dit que quand les deux sont une seule chair désormais. Comme tu l'as tapé là, automatiquement. Donc tu veux dire que si Donatien a faim, elle mange, cette Donatien, elle devra se rassasier. Non, la Bible. Bon, d'après ce que vous comprenez, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 7, le corps de l'homme appartient à la femme. Mais avant de commencer, ça remarquez ce que j'en ai dit. J'en ai dit ici, il faut que, avant de marier, il faut que l'homme meure. Maintenant, la Bible, non. Mon grand frère dit, l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est sa femme. Écoutez bien ça. Et mesurez bien ce que ça veut dire. De la même façon, si un endroit où il y a égalité entre l'homme et la femme, dans le plan de Dieu, le voici là maintenant. Comme les femmes cherchent les endroits où on a égalité là. De la même façon, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari. Lève-toi, mon frère de l'ancien. Toi aussi, lève-toi. Comme c'est les couples qui sont ici maintenant. Donc, le frère de Nassim, quand il pose qu'il s'habille le matin pour aller au travail, s'il s'habille, sa femme dit que qu'est-ce que tu as mis sur mon corps comme ça? Change ça et pas prendre le cravate là. Il dit, oh, ça attache le cou. La femme dit que non, j'aime comme ça, chérie. Il est obligé de partir comme ça. Parce que là, elle exerce son autorité sur son corps. Son corps, c'est pour ça qu'il parlait de, il y a substitution. Allez, ça, vous vous mariez, vous traversez comme ça. Alors que quand tu étais comme ça, alors elle va dire, j'ai fait de mon corps ce que j'ai. Quand vous vous mariez, ça cesse. Lui fait de son corps ce qu'elle veut. Elle fait de son corps ce que lui, il veut. C'est pas ce que vous saisissez. Venez vous asseoir. On va arriver jusqu'à pour que vous compreniez cela avec le corps de Christ. C'est pour cela que lorsque Saul sur la terre persécutait l'église, le Seigneur n'a pas dit Saul, pourquoi tu persécutes ma femme? Non. Il a dit que pourquoi me persécutes-tu? Vous giflez l'église comme il est tapé sur cette femme-là. La résonance est sur Christ Jésus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous insultez Jésus, un chrétien à côté, ça l'énerve. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes chrétien, vous dites, je suis chrétien, j'aime le Seigneur. Vous avez comment quelqu'un blasphème le nom du Seigneur. Vous voyez comment vous avez le courroux. De la même façon, comme vous ressentez cela, quand on parle de ton Jésus, vous ressentez mal. De la même façon, quand on te dit que c'est un pauvre chrétien, depuis que tu dis que tu pries, c'est où? Jésus a reçu lui aussi les mains. Malade qu'on parle de sa femme, c'est parce qu'un homme normal n'a fait que n'importe qui passe, n'importe quoi, à son épouse. Vous suivez ça, frère? L'homme doit, enfin c'est la Bible qui dit, vous voulez dire que je comme si avant que ça sorte, l'homme doit aimer son quoi, sa femme comme son propre corps, parce qu'en réalité c'est son corps, et en prendre soin. Il dit maintenant qu'un homme prend la chicotte, prend les choses, les fait à repasser pour taper sur sa femme pour qu'il y ait les marques. Oui, c'est parce qu'on n'a pas compris toutes ces choses-ci. La femme, la bonne, est comme cette fleur. Vous savez, quand les lys là sont sur les vallées, dans la vallée, la personne que c'est alignée, la femme est alignée comme ça dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que la femme, quand tu aimes vraiment ta femme, quand elle te fait quelque chose, ça te fait mal plus que toute autre personne. Monsieur Lee, tu connais ces choses-ci? Vous vivez là le truc de petite amitié, on vous voit comprendre cela. Quand vous voyez une femme vient dire que c'est quoi vraiment qu'elles sont les panthères. Quand une fille vient quelque part et te voit venir, elle est jalouse, elle dit que c'est donc comme elle est jalouse elle-même. C'est le plan qu'elle fait. Parce que ses intérêts sont menacés. Mais une femme qui aime son mari, avec son mari l'aime, il ne ferait pas de telles choses. Parce que quand tu te maries, tu meurs d'abord à toi-même. Je vis pour ne plus être l'autre. Je vis pour l'autre. La Bible déclare, on va lire cela, commençons à noter, hein, noter 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 31. Notez cela. Notez tous ces passages. 1 Corinthiens chapitre 7, avant que j'arrive là. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 31. Vous y êtes, frère. Nous parlons du mariage. 1 Pierre chapitre 3, notez. Tous ces passages, c'est tout. On va y revenir, le moment venu. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 5, notez. Wow. Apocalypse chapitre 19, notez. Ça va être long, hein? Donc, gardons pour ce moment, au fur et à mesure qu'on va avancer, d'accord? Donc, retenons d'abord que le mariage, d'abord, il n'y a pas de mariage sans mort avant d'aventurer. Je vais me marier. Pourquoi? Le but doit d'abord être défini. Pourquoi est-ce que je vais me marier? Vous devez définir ce but-là. Vous devez définir avec qui vous allez vous marier. Après avoir défini le but, il faut que je me marie. C'est bien. Pourquoi? Pourquoi tu veux te marier? Si tu veux te marier parce que tes parents te mettent la pression pour dire que mais voici, je vais mourir, je n'ai pas encore de successeur. Et que c'est toi qui vas donner le successeur. Il se pourrait que tu ne prends une femme parce que tu veux satisfaire ton père. Dieu du haut des cieux ne te donne pas l'enfant. Qu'est-ce que les parents vont faire puisqu'ils veulent les enfants? Qu'est-ce qu'ils vont faire, frère? Ils vont chercher une autre femme. On te pose dans là. Alors, il faut qu'on fasse attention. C'est pour cela que dans ce moment, on va travailler. On va laisser le plat là. On va bien arranger la place jusqu'à quel territoire arrivent les parents. Jusqu'à quel territoire arrivent nos traditions. Jusqu'à quel territoire arrivent nos pensées. L'autorité civique, dont les maires, religieux et ainsi de suite. Il faut qu'on trace toute cette bonne là. Je crois qu'il va falloir que toutes les questions soient répondues. Je recommence encore, c'est à vous de poser les bonnes questions. Il faut qu'on trace avec la parole du Seigneur les traces, les bornes, que ici c'est limite notre limite. Voici là où la limite des parents arrive. Voici là où la limite, et on va voir au travers des écritures. D'accord, frère? Cela est arrivé, on va voir au courant des siècles, lorsque les canons des catholiques étaient en train d'être écrits, on a donné à la place à l'évêque l'une des rôles qu'il devait avoir, c'est de célébrer le mariage. C'est entré comme ça dans les lois et par conséquent, tous les pays en ont copié. Donc on sait effectivement que le mariage se situe en trois phases. La dot, la mairie et l'église. Vous demandez à quelqu'un, va dans la Bible, montre ça. C'est là qu'il commence à te regarder que mais toi tu es un sorcier, tu sors d'où? Et c'est parce que c'est lui qui doit répondre à la question que lui-même sort trop d'où avec cela. Donc il faut qu'on restitue les choses, chaque chose à sa place. Mais chaque fois, quand ça sera, quand on va voir Souvenez-vous, je me tiens devant vous, voilà ma Bible là-bas. Je vais seulement parler en comptant sur lui. Chaque fois qu'on va avancer, si ça vous dérange, on va se retrouver vers la réalité spirituelle que correspond le mariage. C'est à quoi Dieu voulait référer. C'est là où la vraie pensée se trouve. Si vous voyez la vraie pensée développée sur le plan spirituel, vous pouvez comprendre sur le plan charnel ce que Dieu lui veut. D'accord? Parce que d'abord, le mariage, avant d'être consommé physiquement, c'est une alliance d'ordre spirituel. Le mariage, avant de se consommer sur le plan physique, c'est une alliance d'ordre spirituel qui unit deux âmes. Un esprit qui était lié, séparé, qui vient se réunir. Un peu comme nous étions en Christ, Christ nous a manifesté, nous retournons en lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bonsoir, bienvenue. Tu peux saluer les frères et parler, ou bien? Non, salue-les avec la bouche, si tu continues comme ça, ils sont timides. Salue-les comme ça, dis-les seulement bonsoir. Assieds-toi mon cher, assieds-toi, tu parles. Tu permets que tu poses, c'est l'assemblée, ce sont tes frères, non? On n'y a pas de soucis. Mm-hmm. Quel est le problème? Si tu veux parler au milieu de l'assemblée, parce qu'on va trouver la solution, là on essaie de trouver la solution. Il n'y a pas de soucis, mais je peux parler. Oui. Vous allez m'excuser si c'est un peu long. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Parle, frère. Bon, en fait, moi, j'ai un souci. D'accord, je veux toute votre attention ici. J'ai un souci, c'est ça qui m'a fait arriver ici aujourd'hui. C'est que je me suis marié au mois de mai. Bon, celui qui a le message. Donc, nous voici. Donc, il faut qu'il nous explique ce qui c'est passe. Je me suis marié au mois de mai de l'année qui vient de finir là. Bon, si je peux commencer au début, j'ai connu ma femme étant au lycée depuis 2001. Donc, dans le message, tu as dit 15 ans. Oui. Donc, je connais depuis 2001. Pourquoi qu'avec son expérience, dans le départ du mariage, il va vraiment nous dire comment, pourquoi ils sont mariés, mais si je ne suis pas vrai frère, parce que ça a duré là. C'est un défi même pour le pasteur. Oui, frère, allons-y. On s'est connu au lycée en 2001. Et on a cheminé ensemble. Et on est parti du lycée, on a continué ensemble, on s'est installé ensemble en 2006. On a commencé à Boya, c'est d'abord installé à Boya, puis on est venu à Douala en 2007. En 2009, on a eu notre premier enfant. Et en 2014, on a eu le deuxième enfant. On était tranquille, mais je peux dire pas de problème. Les petits problèmes que tous les jeunes couples ont souvent, bon, après quelques heures, quelques jours, ça s'arrange. En 2014, avant que l'enfant ne naisse, on a fait les prémices du mariage, c'est-à-dire je suis allé faire ce qu'on appelle toquer à la porte. Donc depuis là, tu marchais, tu étais dehors? Oui. J'allais toquer à la porte pour entrer. Oui. Uh-huh. Bon, c'est vrai, les familles se connaissaient déjà. Uh-huh. Quand le premier enfant est né, les familles se sont... Écoutez, tout ce qu'il a raconté autour de son mariage va nous servir de développer l'enseignement dont on va parler. Souvenez-vous, ils sont rencontrés depuis le lycée. Ils sont ensemble récemment, en 2014, ils sont allés pour toquer à la porte, c'est ça? Pour toquer à la porte. Mais ce qu'il a, c'est que dans son toque, j'ai connu ma femme, on a fait 10 ans ensemble. Tu l'appelais chérie, hein? C'est pas vrai? Oui. Tu dis comment? Quand tu voyais quelque part, quelqu'un te demandait, tu dis c'est qui? Tu disais que c'est ta? C'est ma femme. Continuons seulement l'histoire, c'est intéressant. Donc, on est donc allé faire ce toqué à la porte. On l'a fait, les familles se connaissaient déjà avant. Parce que quand ils posaient, moi je ne savais pas qu'eux ils se connaissaient avant et tout ça. Bon. Après donc, ce 2014 là, l'enfant est né. En 2015 donc, en début d'année 2015, je crois fin janvier, nous sommes allés dans une église. Ah bon, entre temps, avant de, ça c'est fin 2015. Ouais. Là, à quel moment vous êtes chrétien vous deux? On était presbytérien, moi je suis à l'église presbytérienne. Oui. Alors on avait des soucis, elle avait des soucis de santé, et des soucis que je passais mon temps dehors avec les femmes. Oui. Alors, donc ça l'a amené à choper des choses. Mais elle n'est pas, elle n'a pas suivi mon exemple. Elle cherchait plutôt là où s'est réveillée la situation. Donc. Donc malgré que tu t'appelais chérie, étant pour presbytérien, tu la trompais quand même un peu. Oui. Et elle voulait que ça s'arrange parce qu'elle t'aimait. Oui. Et là, elle va du côté de Dieu, cherche du côté de Dieu pour voir comment que c'est Dieu qui t'arrange cette situation. Oui. Voilà. Oui. Et là, alors, finalement, ça t'entraîne aussi dedans. Alors Dieu a donc exaucé ses prières. Mmh. Je lui ai dit en cette fin d'année 2014 que bon, tout ce que je faisais, j'arrête. Oui. Parce que ça ne nous amène à rien. Oui. J'ai donc arrêté. Mmh. Donc tu as cherché dehors, tu avais ta femme à la maison, ton corps dehors, tu partais partager son corps, tu partais partager son corps. Il dit, c'est l'histoire va nous servir vraiment pour le mariage. Mmh. Donc je lui ai dit, bon, ça nous cause nous deux les problèmes. Et puis voilà, il y a deux enfants, donc c'est pas la peine. Mmh. Je suis donc rentré à la maison. Donc, et elle est enseignante de profession, enseignante dans le primaire. Oui. Donc ça faisait, comme moi je travaille pour mon propre compte, donc ça je peux rentrer à tout moment. Oui. Bon, on était là et en fin janvier donc 2015, on est entré dans cette église avec, je peux dire... Ne donne pas le nom, d'accord? Ne donne pas le nom, oui. On est entré, maintenant elle avait des problèmes de santé. Oui. Elle dormait mal, elle avait des problèmes, les hémorroïdes, donc... Elle est partie pour ses problèmes et moi je partais pour mes problèmes dans le travail. Oui. Et on me disait que j'étais menacé de mort d'un accident de circulation. Mm-hmm. Donc voilà les problèmes pour lesquels nous sommes partis. Là-bas. Et quand vous êtes partis là-bas, lorsque vous entrez vous deux, vous considérez comme marié, comme ça, tu sais que c'est ta femme parce que vous avez deux enfants. Oui. Et quand vous arrivez, qu'est-ce que celui qui dirige là-bas fait? Bon, c'est vrai, quand il a fait des prophéties sur nous, il a parlé de moi. Oui. Il a parlé de moi, de la personne avec qui je travaille, des projets que j'ai. Et je crois qu'il avait aussi parlé de cet accident. Oui. J'ai dit, ok, c'est vrai. Mais il n'a rien dit sur elle. Oui. Et vous étiez côte à côte, c'est vrai que c'est ta femme. Je ne me rappelle pas si elle s'était levée quand on parlait. Quand il parlait sur moi, oui. Je ne me rappelle pas. Et donc, on est resté là. Après, il a commencé à faire des prières. On faisait les prières. Donc, constamment, donc chaque fois que tu venais en réunion. Quand on partait toujours à l'église, on faisait des prières, on faisait des manifestations et tout et tout. Bon. Après, on est resté là. Lui-même, il a commencé à nous inciter à nous marier, il nous a fait comprendre que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas en accord avec Dieu. Mmh. Donc il faut qu'on se marie. Quand il dit la situation dans laquelle vous retrouvez, il dit ça parce que ça va meubler notre enseignement. Mmh. C'est que vous n'êtes pas en accord avec Dieu, vous n'êtes pas en règle avec Dieu, il faut que vous mariez. Il pense à quoi? Il parle de quoi au juste? Il parle qu'on doit légaliser notre union, c'est-à-dire aller faire la dot. Oui. Parce qu'il a dit que Dieu connaît la dot. Oui. Parce qu'avant, il n'y avait pas les mérites. Oui. Donc, qu'on fasse la dot. Si on peut se marier aussi à l'état civil et à l'église, tant mieux. Ok. Mais qu'on fasse quelque chose que Dieu connaît. Oui. On a d'abord. J'espère que vous allez m'entendre, n'est-ce pas? Mm-hmm. On a d'abord fait un programme. Pour décembre 2015. Ça, il vous a dit cela en aparté, toi et ton épouse. Oui, en aparté. Mm-hmm. Donc, on a fait un premier programme pour décembre 2015 qui a avorté. Oui. Et puis, on a relancé pour mai 2016. Mm-hmm. Donc, on s'est mis dans les préparatifs. Et entre-temps, il m'a approché, il me dit... je voudrais travailler avec ta femme parce que chaque fois, parfois moi-même, j'étais en assemblée comme ça, je disais ma fiancée parce qu'on n'était pas encore mariés. Est-ce que à l'instant où il dit il veut travailler avec ta femme, est-ce que ta femme est délivrée? Est-ce qu'elle est délivrée jusqu'à présent? Alors on devrait parler. puisque je n'y vais plus là-bas, d'après ce que j'ai suivi, c'est que ces délivrances ne sont pas finies. Ok, avançons. Je voulais dire quelque chose par rapport. Bon, allons-y. Donc, il me voit, je crois, au mois de février. Février 2016, il me dit. Février 2016, donc l'année dernière, ouais. Il me dit, j'aimerais travailler avec ta femme. En tout cas, vous venez toujours ensemble? Oui, on vient toujours ensemble. Avec ta femme comme mon assistante. J'ai dit, ok, comme elle enseignait à l'école, comme institutrice vacatrice. Oui. Et que cette année-là, ça va la permettre de s'occuper. Je donne donc l'accord. On commence à travailler ensemble. Est-ce que le pasteur là est marié? Il n'est pas marié. Continuons. Il n'est pas marié. À l'époque, il était avec une fille qu'il voulait épouser. Oui. J'ai dit bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, il a dit que la fille ne respecte pas ses frères, elle fait machin. Lui, il n'a pas dit qu'il allait coucher avec elle. S'ils ne sont pas encore mariés, c'est contre la volonté de Dieu, donc il faut qu'il se marie d'abord. Et comme la fille lui met la pression, il ne veut plus. Lui, il est pasteur, apôtre ou prophète? Prophète. Continuons. Alors, ils commencent donc à travailler ensemble. Et elle commence à rentrer à des heures qui ne m'arrangent pas, parce que moi je rentre du travail. Plus tard, 15h, c'est à l'exception que je peux rentrer à 17h, 18h. Je suis à la maison, je suis seul. Et les enfants sont où entre-temps? Alors, les enfants sont avec moi. Non, quand tu vas au travail, elle est de ce côté-là, où sont les enfants? Les enfants sont à la maison. Oui. L'aîné était déjà à l'école, l'année passée, elle était à l'école. Mais je te dis que lorsque tu t'occupes pour le travail, et qu'elle s'occupe dans cette, comme assistant de ce prophète-là, on avait une fille à la maison qui s'occupait des enfants. Ok. Donc, dans la situation, tu rentres à la maison chaque fois, ta femme n'est pas là, elle rentre dans la situation tardive, ça commence à t'exaspérer. Et je commence à manifester. Déjà auprès d'elle, je lui dis, ça ne m'arrange pas. Il faut parler avec lui. Ça commence à apporter des problèmes. Oui. Au fil du temps, ça avance. Plus le temps avance, plus elle rentre de plus en plus. Oui. Je manifeste mon mécontentement auprès de lui en lui disant que non, je ne conçois pas qu'elle rentre à ces heures-là. Oui. C'est pas bon pour une femme mariée et qui a des enfants. C'est pas bon. Il me dit non, ils sont sur un projet d'ouverture d'une chaîne de télé, donc ça prend le temps et tout. Jusqu'à quand on s'est marié, on a eu des problèmes par rapport à l'organisation. Bon, des moments dont tu as commencé à voir que quelque chose ne va pas. Le mariage, raconte le mariage. Raconte le mariage comme ça rapidement, comme ça on touche quel est le problème qui se passe maintenant. Oui. Quand on se marie donc le 7 mai. Oui. Vous mariez comment? Parce qu'il avait dit qu'il faut que vous fassiez quelque chose, au moins que Dieu reconnaît. Et oui, on a d'abord fait la dot. Oui. 2 jours avant. Et il était au courant. Il était là. Il a participé. On était à la dot ensemble. Pour ce prophète là. Oui. Oui. Vous l'avez honoré là-bas. On l'a honoré. Puisque moi j'ai même voulu qu'il soit mon parrain. Oui. Mais mon père n'a pas accepté. Oui. Bon, il a demandé qu'on laisse comme ça. Oui. Il était là avec nous, on est parti de la bata vers les 22 heures. Sur, en quelque point que ce soit, a-t-il été en désaccord avec vous durant ce mariage-là? Non, je sais qu'il s'est, fâché par rapport à la façon dont on l'a reçu à la dot. Oui. Bon, et après on a arrangé ça le lendemain parce qu'on avait fait la dot le jeudi. Oui. Le mariage c'était samedi. Il s'est fâché, on l'a reçu comment? Pourquoi il s'est fâché? Bon, il a dit qu'on l'a mélangé avec, il y a un pasteur dans le ministère. Oui. Il a dit qu'on ne devait pas le mélanger avec le pasteur sur la même table. C'est lui qui devait dire qu'on le mélange avec le pasteur. On ne devait pas le dire ça, c'est vous ici? Oui. Ok. Donc, on s'est donc excusé et puis on s'est arrangé. Vous avez arrangé comment? Vous avez payé les dîmes de ça? Non. Ok. On lui a demandé pardon, il a accepté. Ok. On lui a demandé pardon, il a accepté. 2 jours plus tard maintenant? Donc là, on était le vendredi. Donc oui. Le jour à cheval entre la dot et le mariage. Oui. Donc, ce vendredi-là, pour faire les derniers réglages, parce qu'il était au courant de tout, c'est chez lui qu'on partait faire, on lui rendait compte tous les jours. Mais entre-temps, ta femme travaille toujours comme son assistante? Oui. Ok. Elle travaille toujours. Et là, au moins, on lui a fait pas, vous lui avez fait pas d'une certaine façon, par rapport à son horaire, ses horaires de retour et autres, ça s'est arrangé entre-temps? Il savait que ça dérangeait. Oui. Parce qu'ils avaient déjà commencé le projet. Mmh. Donc il m'a dit non, c'est pour un temps, ça va s'arrêter dès qu'ils vont lancer la chaîne de télé. Oui. Et la chaîne de télé a été lancée? Elle vient d'être lancée le mois dernier là. Ok. Donc avançons donc jusqu'au niveau de la célébration. Maintenant, le jour qu'on fait le mariage, c'est lui qui me conduit même. Le prophète? Oui. C'est lui qui me conduit dans sa voiture. Oui. Et on fait le mariage. C'est même lui qui gardait les alliances. Il est venu donner les alliances. Donc vous allez à la mairie et puis maintenant? On est allé à la mairie, après on est allé à l'église. En soirée maintenant, vous avez fait l'effort de le mettre sur la table? À la soirée, c'est même lui qui avait arrangé même la salle et tout ça. Donc, il y avait sa table. Bon, la famille est venue occuper, mais il n'a pas trouvé que c'était un problème. Il a dit que nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Oui. Le reste, là, c'est la famille qui a dérangé, donc il n'y a pas de problème. Mm-hmm. On a fini. Malgré l'heure tardive qu'on est allé se coucher, parce qu'on est allé se coucher vraiment le matin à 6 heures. Oui. On est quand même revenu à l'église pour dire merci. Oui. Et on est revenu à l'église vers midi. On a fini de dire merci. Et puis, on a même pas fait une semaine. Bon, c'est vrai, on nous avait donné, une cousine nous a donné 3 jours dans un hôtel de la place. Et après ça, elle a repris le travail. Oui. Mais dimanche, ça s'est passé comment? Dimanche, tout s'est bien passé normalement et tout, il n'y avait pas de problème. Il a maintenant scellé la mariage. On était content. Il a scellé le mariage. On a célébré le mariage le samedi. Donc mairie directement après église. Après la mairie, on est allé à l'église. Ok, mais normalement les samedis, est-ce qu'il y a souvent un culte le samedi? Bon, c'était un culte spécial. C'était un culte spécial pour le mariage. Ok, et là il a scellé. Il était là. Mm-hmm. C'est vrai que c'est le pasteur qui a célébré. Qui a célébré, mais il était là. Ok. Donc on a fini et maintenant. Après, ils ont recommencé à travailler. Mmh. Ce que tu racontes là, le mariage, c'est quel mois et quelle année? Le mois de mai. Mois de mai 2016, oui. On s'est marié le 7 mai. Ok. 2016, ici, là. Et à l'Amérique, qui est ici, oui. Ici, Donc, ils ont continué à travailler. À un moment, avec toutes les frustrations du mariage et ces heures de travail, j'étais vraiment frustré. Oui. Vraiment, on n'est pas en train de me comprendre. Mm-hmm. Moi, je suis en train de les comprendre. Mais ils ne te comprennent pas. Moi, on ne me comprend pas. Mm. Parce que j'ai même demandé à ce que il y ait des jours où elle ne va pas travailler. Oui, pour se consacrer à la famille. Oui, qu'on essaye de. Parce que je constatais que les enfants, même, ça allait déranger aussi déjà. Mm-hmm. Mais rien n'a été fait. Oui. Jusqu'à. On a eu un problème au mois de juin. Ça, c'est un mois après le mariage. Oui, après le mariage, elle est partie de la maison. Oui. Où elle est restée chez sa marraine. Elle a fait un mois. Elle est revenue. En tout cas, les enfants sont où? Les enfants sont toujours là à la maison. Mmh. On a essayé d'arranger, mais l'arrangement n'était pas. On n'a pas touché le fond de la chose. Oui, on n'a pas touché le fond de la chose. Et on n'a pas réglé le problème que moi j'avais. Mmh. Après, elle est revenue. On a encore fait peut-être 3 semaines là. Tout allait bien et tout et tout. Après, les mêmes problèmes ont recommencé. Oui. Et au mois d'octobre, c'est là où... En de temps, tous ces problèmes, c'est pas chaque voiture va toujours à la prière. Je vais toujours là-bas. Oui. Et je lui fais pas. Mmh. Parce qu'il y a même un moment où je suis venu à l'église pour lui dire vraiment moi je quand c'est comme ça je sors de la maison je préfère ne pas écouter les choses qu'elle va raconter. Mmh. Donc là j'ai remarqué que après ce problème du mois de juin quand je venais lui dire quelque chose quand il lui dit c'est qui le prophète ou bien la femme? Oui. quand je venais lui dire qu'on a tel problème comme ça là, bon là il me parle seul, il va parler à l'autre seul. Oui. Et c'était une situation qui n'allait plus parce que moi j'ai trouvé que c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes de couple. Oui. Et lui m'a dit que non, il travaille, son travail est purement spirituel. Oui. Après il m'a dit non, vos problèmes vont bientôt s'arrêter. Ça c'est en octobre. Là, non, là on est peut-être en, on est en septembre comme ça. On est en septembre. Et puis maintenant, parce qu'on est en septembre, d'habitude on fait les trucs de la rentrée ensemble. Mais là j'étais en train de faire ça presque seul. Oui. Et là j'étais plus avec un seul enfant. On était déjà avec trois enfants parce qu'on a pris une de ses nièces. Oui. À la maison. Oui, à la maison. Je peux pas, donc il faut essayer, rien, ça me donne pas. Maintenant, quand on arrive au mois d'octobre, déjà, il commençait avec certaines manifestations. C'est ma femme qui commence à faire des manifestations. Les mauvais esprits disent qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Ça se passe comment pour qu'il y ait ces manifestations? Donc, tu parles en riant comme ça, mais pourtant ça te travaille dans ton cœur bien vraiment. Oui, ça me... C'est vrai que ça ne me travaille plus comme ça comme me avant. Travaillait au mois d'octobre. Parce que là, c'était vraiment chaud là-dedans. Oui. Donc, c'est là où il me dit ça. Il m'a d'abord dit ça, je crois, deux semaines avant. Qui? Le prophète. Le prophète. Il t'a dit quoi au juste? Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Il m'a dit que quand il regarde... Notre union n'était pas une union suscitée par Dieu. Oui. C'était parce que ma femme, les gens de sa famille voulaient la vendre. Donc, c'était une union suscitée par les mauvais esprits, dont le diable. Et que c'est moi qui devais porter le fardeau, que les problèmes qu'on a là, je devais mettre main sur elle jusqu'à la taper. Jusqu'à la tuer. Comme ça, ça fait le sacrifice dans la famille. Oui, voulait. De l'autre côté. Et c'est moi qui porte le chapeau. Il me dit qu'il avait d'abord dit ça à ma femme. Et je lui ai posé la question que quand vous lui avez dit ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle me dit qu'elle a demandé si Dieu ne peut pas arranger donc ça. Il lui a dit oui, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. J'ai dit ok, moi-même j'ai dit donc la même chose. Que Dieu fasse la même chose. Après, subitement, ces manifestations-là sortent comme ça. Un jour, il a fait une nuit de prière. Je reste, je regarde. Tu étais séance tenant quand j'étais là. Passé. Oui. J'étais là. Puisque, à un moment, quand elle commençait, moi-même, je l'arrêtais. Après, il m'a demandé de laisser que quelqu'un d'autre vienne arrêter. Donc, comme c'était un vendredi, le dimanche, donc, il dit que Dieu a dit que ce mariage-là ne vient pas de lui. Donc, comme je défends que ma femme vient travailler là-bas, vient travailler et que je le soupçonne d'être de sortir avec ma femme. Donc, est-ce que pendant ce temps-là, tu le soupçonnais? Pour dire vrai, peut-être à 50%. Peut-être à 50%. Donc il dit donc que ce dimanche, la chose la plus choquante, le message que je ne t'attendais pas. Oui. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Et donc il dit, comme j'ai fait cela, le Saint-Esprit est fâché et Dieu a décidé que ce mariage-là soit annulé. Voilà. Ok. Il te dit ça en face. Il dit ça devant l'assemblée, tout le monde est là. Il dit ça. Ta femme est là. Elle-même, elle est là. Tu t'avais posé une question. En étant tes parents qui ont assisté à la dos du haut là-bas, quand on faisait le mariage à l'assemblée là-bas, ils étaient là. Hein? Ils sont venus à l'assemblée pour le mariage de l'église. À l'assemblée, ma mère était là. Oui. Ma mère était là avec avec mon petit frère. Et du côté de ton épouse. De son côté. Il dit ceux qui ont assisté à l'assemblée là où c'est non, de son chose. Côté, il est... Parce que son père s'est fâché. Pourquoi? Son père s'est fâché parce que c'est dernièrement que j'ai appris ça, qu'ils disent qu'on les a snobés à la mairie. Bon, moi j'ai dit, vraiment, je ne... Parce qu'à un moment, ceux qui étaient chargés d'organiser les choses, c'est comme s'ils étaient perdus. Et toi, tu ne pouvais pas être en même temps l'officier, en même temps. On ne pouvait pas être... Partout au même moment. Donc, C'est pour ça que le papa n'est pas venu. Oui, et aussi l'église, il disait qu'il n'aimait pas l'église en question. Oui. Son père disait qu'il n'aimait pas l'église en question. Mon père même a dit que lui ne mettait pas pied là-bas parce qu'il n'aime pas cette église. Et pourquoi il le disait? Les deux pères disaient cela? Quelle était leur explication? Ils ont dit, parce que déjà, nous sommes les gens du Sud. Oui. Et tu sais que les gens du Sud ne connaissent pas, n'acceptent pas les nouvelles églises. Les Sud sont connectés avec les protestants ou bien les catholiques. Les protestants ou les catholiques. Donc ils auraient souhaité que tu te maries chez les catholiques ou bien chez les protestants. Voilà. Ok. Maintenant avançons. Lorsque tu ressors cette nouvelle-là que ce n'est pas ton épouse, et c'est en tenant devant l'assemblée, le ciel, c'est comme si le ciel t'écroulait dessus. Oui. C'est vrai parce que, moi je lui avais dit, je n'allais pas faire un régime polygamique. Oui. Et de deux, je vais pas épouser une femme que je n'aime pas. Oui. Ou bien qui ne m'aime pas. Celle-ci, tu l'aimais? Oui. Pourquoi vous avez fait 15 ans ensemble? Oui. Et elle t'aimait? Oui. Ok. À l'issue donc de ce dimanche, qu'est-ce que vous avez décidé? Toi et ton épouse, vous rentrez à la maison ensemble ou bien comment? Non, on n'est plus rentrés à la maison ensemble. Dès ce moment-là? Oui. Elle est restée là-bas? Elle est restée là-bas. Elle habite là-bas. Jusqu'aujourd'hui. Donc depuis octobre jusqu'à maintenant. Depuis octobre jusqu'à maintenant. Nous sommes en janvier. Et quels sont les processus que tu as utilisés pour essayer de résoudre cela? Bon, tes parents, ses parents à elle. Est-ce que tu approches ta femme? Non. Il a donné l'interdiction. C'est même pas qu'il a donné l'interdiction. En fait, quand je vais vraiment dire comment est-ce que. En fait, quand tu la vois. Tu sais que ce n'est plus elle. Ce n'est plus elle. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Les parents de la fille sont au courant de cet événement? Ses parents sont au courant. Les miens étaient les premiers à être au courant parce que mes parents sont au village. Oui. Ma mère est venue parce que mon père était occupé. Oui. Et lorsqu'il a parlé, parce qu'après avoir parlé ce jour-là, il a encore parlé un autre jour. Ce même prophète-là? Oui, ils ont encore parlé un autre jour. Là, il a parlé, ma femme aussi a parlé. Et ta femme a dit quoi? Les gens ont parlé là. Ma femme a dit, elle me reproche que je suis violent, qu'elle avait des maladies, je ne me suis pas occupé. Bon, ça c'est pas le motif pour le divorce, de toute façon, pas vrai? Oui, elle parce dit que c'est que j'ai fidèle, que j'ai quatre enfants dehors. Alors que tu n'es plus depuis ce moment-là. Depuis voilà. Ce moment-là, moi je ne connais pas. Quelle est la position de tes parents? Comme tu as dit, tes parents sont au courant et ses parents sont au courant. Qu'est-ce que vous avez fait comme solution pour tenter de la retirer de ces choses pour résoudre votre problème? Bon, ma mère est venue parce que quand les parents viennent, c'est pour arranger le problème. Oui. Que les gens se remettent ensemble. Oui. Mais comme je dis, qu'elle n'est plus elle-même. Oui. Qu'elle n'a même pas voulu sentir ma mère. Oui. C'est-à-dire, comme elle ne veut pas me sentir moi-même, est-ce que tes parents et ses parents, vous avez approché ce prophète-là pour voir le problème? Ma mère a approché le prophète. Et quelle était l'issue? Et le prophète, il a répété la même chose que Dieu a dit, c'est comme ça. Oui. Ma mère m'a dit qu'elle-même, elle ne... Bon, selon toi, tu penses qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Selon toi, ce qui te vient dans ton cœur? Après avoir pris du recul et réfléchir et poser avec les hommes de Dieu, je suis arrivé à la conclusion où ma femme est envoûtée. Oui. Oui. Parce que quand vous passez 15 ans avec une personne, et vous connaissez un peu les choses que la personne peut faire et les choses que la personne ne peut pas faire. Oui. Donc elle est un peu envoûtée. Vous imaginez une jeune fille qui dit, qui déclare que ça ne lui fait ni chaud ni froid quand elle fait 2 semaines sans voir ses enfants. Donc dans ces conditions, si l'enfant est avec toi à la maison, les enfants sont avec moi. Les enfants ne réclament pas les mamans? Pas vraiment. Veux-tu que je l'appelle ce pasteur? Non. Vous... Et tu as dit que avec tu as causé avec les hommes de Dieu que tu as causé, qu'est-ce qu'ils en ont dit par rapport? Il y a un qui m'a dit que c'était un problème spirituel, qu'il faut faire des prières pour qu'elle soit déjà délivrée, oui. Parce que lui aussi il a parlé d'envoûtement. Oui. Bon, et il m'a dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas me dire. Mais il faut seulement qu'on fasse des prières. Qu'il fasse prier toi et lui, ou bien lui, ou qui? Moi, je fais de mon côté et lui aussi, il fait de son côté avec son mentor. Qui ça? Le pasteur, l'homme de Dieu dont tu as parlé? Mais oui. Ok. Il y a un autre aussi qui m'a dit, bon, il a pris son nom, le nom de ma femme, il a pris le nom du prophète en question. Il m'a dit que lui aussi, il priait. Et que moi aussi, je fasse des prières. Lui aussi m'a donné des... Parmi tous les hommes de Dieu que tu as dit, quelqu'un t'a dit la pensée de Dieu derrière ces choses-ci? Eux tous, ils ont dit que ce n'est pas la pensée de Dieu là-bas. Donc, ça veut dire que le prophète là a dit autre chose et les autres sont allés dire autre chose? Oui. Merci. Ils ont dit le contraire de ce que lui n'a dit. Ok. Donc, et puis, il y a le frère Junior qui m'a dit... Quel frère Junior, moi? Non, le frère Roméo qui... Oh. Mais c'est la première fois que toi et moi on se voit. Oui. C'est la première fois même que tu mets les pieds ici. Oui, c'est vrai. Ok. Donc je permets que je l'appelle d'abord. Nous sommes, c'est mercredi aujourd'hui. Ils ont souvent l'assemblée là-bas. Aujourd'hui, il y a plutôt la réunion des femmes là-bas. L'assemblée, c'est le vendredi. Donc, je voulais dire pour ne pas appeler en le dérangeant. Donc, j'appelle. On est d'accord. Tu es d'accord? Tu me donnes. J'appelle. Je ne suis pas. En fait, moi, c'est-à-dire, quand il tend même mon nom quelque part, ça devient un problème. Ok, c'est ce qu'on va entendre maintenant. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on va attendre maintenant. Son téléphone va sonner. D'accord? D'accord. Tu aimes ta femme, pas vrai? Mais j'ai pas envie de discuter avec lui. Non, tu ne parles pas, c'est moi qui parlerai avec lui, d'accord? Parce que maintenant, quand tu parles, il ne veut plus t'entendre. Il ne veut plus avoir, il faut perdre le temps avec toi. Courage, d'accord? Courage. Vous comprenez avec moi qu'il est temps qu'on voit encore l'enseignement sur le mariage. Pas vrai? Vous avez suivi. Voilà dans où l'église se trouve. Voilà dans là où l'église se trouve. Ou bien il a dirigé la réunion des femmes alors. C'est lui qui coordonne la réunion des femmes. Mais autour de lui. Tu as dit tout à l'heure qu'il avait le pasteur. Tu n'as pas vu quelques-uns des siens pour essayer de lui parler? Il n'a plus lui parler. Autour de lui? Il a dit, puisque tout le monde sait que ça vient de Dieu, donc... Personne ne discute. On ne discute pas. Donc quand il parle, c'est comme même ça. Même sa propre mère, qui est son bras droit. Qui est son bras droit, qui est une servante, lui a demandé de laisser la femme... De quelqu'un. D'autrui. Il a dit non, c'est Dieu qui a décidé que c'est pas un mariage. C'est ton problème, c'est toi qu'on a prié. Mais on te laissait, tu dormais tranquillement. Voilà dans l'église. Voilà où l'église se trouve maintenant. Et on est obligé de voir ces problèmes de mariage. On va résoudre ça. Allô? Bonsoir. Bonsoir. J'ai affaire au frère Christian. Pardon? C'est le frère Christian au téléphone. Non, c'est pas lui. Vous sentez, s'il vous plaît. Je suis le frère Junior. Je voulais parler au prophète Christian. Je suis serviteur du Seigneur, je suis enseignant de la Bible. Je voulais lui parler. Pardon? Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Oui. Je voulais lui parler. C'est un prophète, prophète Christian. C'est pas un frère. Oui, bonjour. Oui, c'est un prophète. Ok. Donc, oui. Donc, je vais lui parler. Je vais lui parler, oui. S'il vous plaît. Vous c'est qui? Bon, je fais partie de son staff. Non. Ok, merci. Bon, est-ce que vous pouvez nous le passer alors, s'il vous plaît? Mais là, c'est pas présentement, c'est pas ceci. Pour l'instant. Oui. Donc, c'est votre contact? Oui, c'est bien mon contact ici. Oui, donc, vous pouvez nous orienter déjà par rapport au sujet que vous avez abordé avec lui. Non, ça le concerne. Ah. Je veux lui transmettre, il n'est pas un enfant, il n'est pas un enfant, je vais causer directement avec lui, d'accord? Bon, là, je veux plutôt. Le moment dès qu'il sera disponible, je crois que là, on va vous rappeler. Voilà, c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Je vous le dis tout simplement que le frère Junior a appelé et c'est pour un sujet important. Pardon? Je vous le dis tout simplement que le frère Junior l'a appelé et il veut parler avec lui à propos d'un sujet important. D'accord. Merci et bon soir à vous. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Également. Merci. Voilà. Donc c'est un des collaborateurs. Et quoi, tu vas reconnaître la voix-ci? Oui, je le connais. Ok. Donc c'est son. C'est ton épouse qui avait décroché, alors tu veux dire quoi? Non, ne cite pas son nom. Il n'a pas donné son nom, donc ne cite pas le nom, n'est-ce pas? Non, je connais celui qui a répondu là. Oui. Il est pas bien avec toi, il n'est pas. Non, puisque il leur a déjà dit là-bas que. Donc en fait, je passe là-bas maintenant pour être. Pour quelqu'un qui est. Un rebelle? Non, pas un rebelle, même si c'est encore acceptable. Un démon. Donc on t'a démonisé. Celui qui devait être ton parrain. Est-ce que tu es prêt dans ces causes avec lui à ce que je vous fasse où on s'assoit? En cause de tout cela, en famille? Déjà, je ne suis pas sûr qu'il va accepter. Laissons Dieu faire. Vous avez suivi comment est-ce qu'il répond là. Mm-hmm. Je n'ai pas envie de dire que je parie, mm-hmm. qu'il ne va pas vous rappeler. Oui. Mais je pense au moins à 70% qu'il ne va pas vous rappeler. Il ne m'appelle pas demain encore, je l'appelle. Hein? La prochaine séance, tu seras ici, non? C'est quand? Oh, nous sommes quand aujourd'hui? Samedi, plaise à Dieu, je serai ici. S'il n'appelle pas, je n'appelle pas jusqu'à samedi encore au milieu ici, parce qu'on a commencé ensemble, on finit ensemble, d'accord? Mm-hmm. Les choses de Dieu doivent être dites à la manière de Dieu. Et si quelqu'un se dit prophète de Dieu, il doit dire les paroles du Seigneur. C'est ainsi donc que les prophéties ne viennent pas pour diviser, mais doivent dire la vérité. Quand c'est une prophétie venant de Dieu, concernant ce genre d'affaires-ci, vous allez dire les tenants et les aboutissants de la chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est un prophète, on doit le confronter comme tel. Comme tel. S'il s'agit de la parole, je parle la posture de quelqu'un de la parole. Si c'est une prophétie, on va ensemble dans le spirituel. On doit aller ensemble là-bas. Donc reste tranquille, d'accord mon cher? Okay. Ce n'est plus ton problème maintenant, c'est mon problème. Nous sommes trois dans cette affaire, c'est maintenant, il y a lui, moi et le Seigneur. Donc toi tu restes tranquille, tu laisses Dieu combattre pour toi. Ah oui, parce que je n'ai engagé aucune procédure judiciaire. Mais hormis ces problèmes, s'il y a un problème de fond de ton côté, dont on va parler, ça c'est en aparté, lorsque ces problèmes se seront résolus, il y a un problème de fond, quelque chose qui a amené l'attention plusieurs fois, mais qui a tendance à revenir. On va revenir là-dessus, sur un truc comme ça, mais ce n'est pas encore le moment par rapport à ceci, d'accord? Okay. On doit résoudre ces problèmes-ci, mais ici, on va revenir avec le Seigneur, entre lui, moi et le Seigneur maintenant. D'accord mon cher? Que le Seigneur te bénisse. Merci vraiment pour ton courage. Ce n'est pas évident que tu viens pour la première fois, tu t'ouvres comme ça. Mais quel qu'en soit le cas ce soir, ça nous plante le décor pour la suite des séries sur le mariage. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Alors, ce que le frère en train de vivre maintenant, nous sommes en milieu chrétien. Imaginez donc comment les mondains de l'extérieur, on va apprécier cela. C'est comme ça partout. Il y a des gens qui ont fui même le pays, aller quelque part. Oui, oui. Je voulais ajouter quelque chose dedans. Oui. C'est que quand il a fini de parler comme ça, oui. Y a une bonne partie de l'église qui a accepté. Oui. Bon, d'autres étaient un peu perplexes et tout ça. Mais après, quelques semaines après, oui, l'église a commencé à se vider par rapport à ce problème. Donc ça a divisé. Oui. Ok, pendant ce temps, puisque toi qui m'as fait revenir là-dessus, le samedi qu'on a organisé un culte spécial là-dessus, celui qui présidait a dit quoi en priant? Ou bien ta tête était dans la fête où tu étais même pour attendre le moment, on va dire qu'embrasse l'épouse. Non, c'est pas ça. C'était en fait, il y avait trop de pression, surtout le côté organisationnel. Il n'y avait pas vraiment les gens et j'étais mal à l'aise parce que c'est mon affaire, organiser les choses. Donc, quand je vais me situer sur la parole qui était prêchée et ce qu'on a programmé. Est-ce que ton prophète n'a rien dit à cette séance là? Non. Ok, donc c'est le pasteur qui en parlait. C'est le pasteur qui a parlé. Il a donné l'enseignement, l'enseignement concernant le mariage, comment la femme doit se comporter, comment l'homme doit se comporter. Est-ce qu'ils ont prié pour vous? Ils ont béni votre mariage? Oui. Que Dieu vous bénisse? Oui, le pasteur a béni le mariage. Béni, et tout le monde dit amen? Oui. Ils ont béni en citant le nom de Jésus? Oui. Bonne soirée. Que Dieu bénisse. Mais vous voyez là où on se retrouve, n'est-ce pas? Ouais, là où on se retrouve. Prions, frère, prions. Avant de prier pour qu'on prie pour nous-mêmes, je veux que nous inclinions tous nos cœurs dans la direction de ce frère-ci et de son épouse, d'accord? Que la grâce de Dieu et sa miséricorde viennent dans son foyer et qu'il restaure ce couple, ce que l'ennemi veut détruire, d'accord? Prions, prions, prions. Seigneur, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Père, ta grâce et ta miséricorde. Nous réclamons ta grâce et ta miséricorde pour notre bien-aimé frère et pour son épouse. Ce couple que Satan veut détruire. Un énième mariage au Dieu de gloire où l'ennemi veut entrer et détruire en milieu chrétien. Père, nous prions au Dieu de gloire afin que ta main de grâce, ta main d'amour soit dans ce couple et qu'il réveille les esprits qui sont endormis. Je prie au Dieu de gloire que tu ôtes les mains de l'ennemi dans sa vie, que tu ôtes les mains de l'ennemi dans son couple, dans son foyer et que la paix restaure et qu'elle vienne ici ensemble témoigner au nom du Seigneur Jésus-Christ de ta visitation. Je prie au Dieu de gloire que tu étends ta grâce dans cette famille, que tu brises la tête du serpent qui se trouve au milieu d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu brises la tête de l'ennemi. Père, si lui son flanc au Dieu de gloire de ce serpent fuyard, afin qu'il quitte ce milieu-là au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire que ta grâce repose dans sa famille. Je prie au Dieu de gloire que la paix revienne sur son cœur. Je prie au Dieu de gloire que tu illumines les yeux de son cœur et les yeux du cœur de sa femme. Je prie au Dieu de gloire que tu éclates ta lumière puissante au Dieu de gloire dans leur foyer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire que ceci n'a point d'effet sur les enfants et sur l'éducation de ses enfants. Que ta grâce soit sur sa famille, Père. Que ta grâce soit sur son foyer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions maintenant, prions pour notre pays. Prions, recommandons chaque partie, chaque région entre les mains du Seigneur. Comme on a dit ici, priez pour chaque région, en citant toutes les 10 régions. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que ses anges parcourent toutes ces régions-là pour imposer silence aux vindicatifs et à l'ennemi. Prions, prions. Bonsoir bien-aimé. Frère Eric vient. Donc avançons d'un pas maintenant concernant le sujet sur le mariage, si vous le voulez bien. Au moins que vous soyez fatigué. Vous êtes fatigué? Souvenez-vous que rien ne doit venir vous troubler, d'accord? Frère Eric, comment tu vas? Est-ce que tu as dit bonsoir aux gens? Tu as bien médité? Tu as bien médité par rapport depuis la semaine dernière? C'était mercredi. Mercredi, oui. Ça va? On peut avancer ce soir. Mercredi dernier, tu étais l'un des. Tu étais notre star avec ta situation. Comment ça avance jusqu'à maintenant avant qu'on avance? à la lecture. Prenons ceci, notez 1 Samuel chapitre 18. Notez, avant qu'on va avancer ce soir, on va avancer. Souvenez-vous, vous avez mes passages la dernière fois, n'est-ce pas? Il lit une série donc concernant sur le mariage. Dans la première partie, nous avons vu ce qu'il en est et le témoignage de notre frère, le témoignage malencontreux, mais qui va meubler notre façon de voir les choses à la lumière de la parole. D'accord, frère? Et donc, je vous avais dit la semaine dernière, dans la première partie, que c'est vos questions qui pourront me permettre de développer ce sujet-ci, ô combien important pour notre fin-ci. Souvenez-vous, dans un enseignement, j'avais dit qu'il y aura un moment sur la terre où il y aura le divorce record. Parce que la société, les familles divorcées, c'est la preuve de la dislocation de la société. 1 Samuel chapitre 18. Vous avez noté 1 Samuel chapitre 18. Bon, si on veut lire, on va lire chapitre 18, chapitre 19. Vous êtes d'accord? Si vous écrivez, vous me dites, je vais vous donner. Tant quand le verset se présente, je vous les donne, juste à ce que ça soit épuisé. Vous y avez moi? Notez Genèse chapitre 34, le verset 1 à 13. Mais on peut s'arrêter au verset 12. Dès que vous notez, vous me dites, je donne. Vous remarquez que je n'ai pas de papier sur moi, je n'ai pas la Bible avec moi, je vous les donne. Après, on va aller consulter ce qui est écrit là-dedans. On avance. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3, c'est plein. Je vais donner un coup, on va avancer selon que le Seigneur va nous disposer ce soir. Vous avez noté 2 Samuel chapitre 3. Notez Josué chapitre 15. Quand il donne seulement le chapitre, c'est parce que je vais venir donner le verset. D'accord? Josué chapitre 15. Vous y êtes. Juge. Chapitre 11 et 12. Chapitre 14, les 7 premiers versets. Chapitre 14. Les 7 premiers, donc versets 1 à 7. Et chapitre 14 des juges. C'est noté. Exode le chapitre 22. Exode le chapitre 22. Un roi. Chapitre 9. Le verset 16. 1 Corinthiens. La dernière fois, il donnait le chapitre 6 et le chapitre 7. Chapitre 7. Maintenant, chapitre 6, verset 13 à 20. Deux Corinthiens. Chapitre 11, les deux premiers versets. Matthieu chapitre 19, verset 1 à 11. Il y a 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 2. Matthieu chapitre 19, verset 1 à 11, ou bien verset 1 à 12. Genèse. Chapitre 26 au chapitre 28. C'est bon? Ce sont des questionnements donc qui peuvent nous faire avancer sur le territoire, dans ce territoire du mariage. Permettez donc de lire quelques questions, des questions intéressantes que c'est en fonction de ces questions, ce sont ces questions qui vont nous permettre de. Vous voyez ça? Je vais vous lire quelques questions, une série de questions d'une sœur en France. Concernant le mariage. Première question. A-t-on besoin de la bénédiction des parents ou des pasteurs pour se marier? Si oui, Pourquoi? Sinon, pourquoi? Vous avez des questions? Ça, c'est des questions. Deuxième question. Comment savoir que tel homme est mon mari selon le plan de Dieu? Vous voyez que ces questions, tant qu'il y a des questions comme ça, on peut bien développer la Bible. Mais si mes tiens là, ils disent, posez, que vous ne me posez pas, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Derrière ça, parce que les gens ont des problèmes. Vous voyez? Troisième question. Est-ce qu'un couple chrétien peut-il regarder un film pornographique? Vous riez, ce sont des problèmes. Pas vrai? Est-ce qu'un couple chrétien peut-il regarder un film pornographique? Est-ce qu'une femme mariée chrétienne peut-elle pratiquer la fécondation in vitro pour chercher à tomber enceinte? Ça, ce sont les questions qu'il faut répondre. Pas que pour ma part. Non, il n'y a pas pour ma part. Parce que c'est un problème d'ordre universel. Il faut que le Dieu universel puisse donner un problème, une réponse universelle. Autre question, je ne sais pas si la quantité déjà. Si une femme chrétienne épouse un homme païen et que ce dernier demande le divorce, est-ce que la femme chrétienne peut-elle se remarier? Voilà les questions. Autre question. Lorsqu'on parle de fiançailles, ça veut dire quoi exactement? Vous voyez les questions, n'est-ce pas? Vous êtes là comme ça, comme des poules que la pluie est tombée sur eux. On nous pose les questions. Ces questions, vous pouvez répondre alors. On a dit que poser les questions, on ne pose pas les questions. Les questions que les gens posent. Lorsqu'on parle de fiançailles, ça veut dire quoi? Vous convenez avec moi que pour répondre à ces questions, si on aura au moins même 25 enseignements concernant le mariage, n'est-ce pas? Mais avançons seulement jusqu'à ce qu'on va revoir là où Saint-Esprit nous y conduit. Lorsqu'on parle de fiançailles, ça veut dire quoi exactement? Est-ce biblique? Est-ce que les rapports sexuels avant le mariage à la mairie sont considérés comme un acte d'impudicité? Voilà des excellentes questions auxquelles font face les chrétiens. Oh, c'est fort, hein, les questions là. La dot est-elle biblique? Les préservatifs pour les hommes ou les pilules chez les femmes sont-elles autorisées pour les chrétiens? Sinon, pourquoi? Les préservatifs pour les hommes ou les pilules chez les femmes sont-elles autorisées pour les chrétiens? Sinon, pourquoi? Si, pourquoi? Je crois que cette personne s'est décidé de rien, n'est-ce pas? Est-ce que la masturbation chez un homme est considérée comme un acte d'infidélité dans un couple? Donc, parce que deux personnes sont mariées. Est-ce que la masturbation chez un homme est considérée comme un acte d'infidélité dans un couple? Voilà les questions. Je ne sais pas combien j'en ai déjà posé. Là, voilà les questions posées. Je ne sais pas combien j'ai lu là-bas. Je ne sais pas si c'est 7 ou 8. Souvenez-vous d'abord qu'il y a différence entre infidélité et adultère. Il faut que vous gardiez ça dans votre esprit, dans votre aide. Il y a différence entre une infidélité, ce que la Bible appelle par infidélité, et l'adultère. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez ça, frère? Si vous savez, donc levez-vous, vous expliquez. Ne bougez pas la tête, c'est moi comme le lézard qui est sous le soleil. Vous savez qu'il y a différence entre infidélité et adultère? Un frère et soeur. Bon. Quoique je lisons la Bible ici. On parle de quoi là ce soir? La dernière fois, nous avons lu Genèse chapitre 2. Dieu nous a donné le modèle exemplaire du mariage. Et nous avons vu qu'au fur et à mesure, et comme on va voir dans les passages que je vous ai donnés, Dieu va montrer plusieurs fois les différents aspects du mariage dans la Bible, conçus et mis ensemble dans le plan, le statut global que Dieu cherche derrière cette institution. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Le mariage, c'est la première des institutions divines que Dieu a positionné sur la terre. La première chose qu'il a instituée sur la terre, c'est le mariage. Maintenant, quand il a institué cela, ça suppose donc qu'il y a quelque chose qu'il a en train de rechercher derrière. Et qu'il y a quelque chose qu'il a en train de montrer derrière cette image de mariage, n'est-ce pas? Et donc, le Nouveau Testament nous montre la réalité de ce que c'est que cette chose qu'il avait instituée, qu'on appelle le mariage. Maintenant, ce qui nous cause problème maintenant, c'est physiquement comment nous devons accomplir cette prophétie de mariage-là pour nous-mêmes sur la terre. C'est-à-dire que comment nous entrons dans cette prophétie et réalisons cette prophétie ça pour être dans le plan parfait de Dieu derrière cette prophétie qu'est le mariage. Vous savez que le mariage, c'est la prophétie. Et donc, la dernière fois, nous avons vu dans la première partie que le mariage, d'abord, c'est mourir. C'est la mort. Parce qu'on ne peut pas se marier, deux êtres ne peuvent pas se marier s'ils sont morts l'un à l'autre. Sinon, les intérêts vont surgir et créer dans les conflits, dans le couple. Non seulement dans le couple, et impliquer les familles. Parce que les mariages à intérêt, ce sont des zones, des bombes. Alors, le mariage, donc, considéré comme une institution divine, est positionné en premier lieu par Dieu. Dieu a une façon humaine d'agir, comme je dis chaque fois. C'est que lorsqu'il donne une chose qui prophétise, une chose à arriver plus tard, il va mettre au fur et à mesure, à la lumière, révélation après révélation, pour qu'on puisse voir le plan global. Vous suivez, n'est-ce pas? Je prends l'exemple de Christ Jésus, notre Seigneur. Lorsque l'homme a péché, dans ce Genèse chapitre 3, subitement, il a prophétisé la solution par le fils d'une femme, n'est-ce pas? Il dit donc, ce fils-là va dominer et va écraser la tête du serpent. Maintenant, dans la suite des temps, on a de voir, il faut qu'on voit comment le fils va se manifester. Plusieurs fois, donc, il va venir, je vais sauter rapidement, aller aux prophéties qui a 800 ans. Il va dire, la Vierge enfantera. Ce n'est pas nouveau. C'est la même prophétie. La prophétie n'a pas été modifiée. Ça n'a pas été changé. Il a ajouté. Parce que dans la Genèse, il a dit par exemple, dans ce Genèse chapitre 3, verset 15, prenons verset 14, que là, voici, je mettrai une limite entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Je mettrai une limite entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc cette personne qui doit venir, c'est la descendance d'une femme. Cette personne qui doit venir, donc la solution passe la descendance d'une femme. Longtemps avant qu'il ne se manifeste, il dit que la Vierge enfantera. Dans ce livre de prophétie de Genèse, où il a commencé à donner la solution, il n'a pas dit que cette femme était vierge. Je sais pas si vous comprenez. Il n'a pas parlé du statut de la femme. S'il parle sans dire que c'est une vierge, si Esaïe n'était pas, Esaïe chapitre 7, le verset 14 n'était pas là pour préciser que c'était une femme qui était vierge. Matthieu qui raconte l'histoire de Marie, au-delà, on ne doit pas comprendre le pourquoi. Il était nécessaire que comment il se dit qu'il est venu passer par une femme. Il n'a pas choisi une femme qui était mariée ou bien qui n'est pas mariée. Il veut choisir une femme qui a le mari mais qui n'est pas connue. Parce que au milieu de la prophétie, c'est dit la vierge enfant. Donc cette femme par qui la semence va passer doit être vierge. C'est pas ça, frère? Alors, je suis en train de prendre cette chose pour vous montrer que lorsque Dieu donne une prophétie, il améliore la qualité visuelle et la compréhension de la prophétie pour nous. Parce que pour lui, c'est accompli. Ça ne crée pas d'ambiguïté pour lui. Son langage à lui ne lui crée pas d'ambiguïté et à ses enfants. Mais il améliore la qualité au fur et à mesure que s'approche la réalisation de ce qu'il a prévu faire. Vous me suivez? Alors donc, quand Dieu vient dire la Vierge enfantera, il n'a pas changé Genèse chapitre 3, verset 15 pour la semence de la femme. Il avait tout simplement dit c'est la semence de la femme. Est-ce que Marie était une femme? Oui, c'était une femme. Donc Genèse 3, 15 reste debout. N'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est que Esaïe chapitre 7, verset 14 amène une autre révélation. En plus de cela, c'est que non seulement ce sera une femme, mais elle doit être vierge. Donc, Esaïe chapitre 7, verset 14 parle de la virginité de la femme dont on parlait à la Genèse. Et ça, c'est ce que vous avez dit. Ok. Maintenant, si vous restez dans la loi, vous allez voir maintenant différents types de cette loi-là, maintenant de la personne, sur sa mort, le moment de sa mort, comment ça va arriver, à quelle période. Ouais, effectivement, on va dire par exemple que chaque la Pâque va signifier ceci. On va prendre le sang versé ici, mettre le sang ici. On dit que c'est un agneau sans défaut. Ouais, n'est-ce pas? Sans défaut. Donc, cet être, ce qui vient, n'aura pas de péché. Voilà un plus qui est ajouté à la révélation. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Si vous ne saisissez pas, quand il va avancer avec le mariage, vous n'allez pas saisir. Je vais prendre cet exemple si vous saisissez comment Dieu agit. Alors, dans Genèse chapitre 3, verset 15, lorsqu'il a dit que la postérité de la femme va t'écraser la tête là, quand il a dit ça, la postérité de la femme, il n'a pas dit là-bas que cette postérité va sortir du péché. Il n'a pas signifié cela. Il a tout simplement dit la postérité. Maintenant, quand on dit un agneau sans défaut, sans tache, n'est-ce pas? Sans défaut, sans défaut corporel, il ne doit pas avoir de défaut corporel. On va l'attraper, on va le mettre le 10e jour, on va le prendre, le garder jusqu'au 14e jour, on va le sacrifier entre le 14 et le 15 au soir. On vient de donner la période de la manifestation. Ça, toutes ces choses-là, on décrit la période, la qualité, comment ça va se passer, la façon, le comment ça va se faire. Aucun de ces os ne sera brisé. Vous voyez, quand il va mourir, on ne pourra pas le rendre handicapé. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Voilà autant de choses qui allaient être Frère, au fur et à mesure donc, que le temps va arriver, on va même donner la description qu'il va mourir, on va le mettre son tombeau parmi les riches. Donc vous prenez toutes les choses, donc, en, vous prenez donc première prophétie, Genèse chapitre 3, verset 15, pour la solution du péché. Toutes les autres, là, vous allez mettre à côté, vous allez voir le plan global, vous allez voir que Christ a réalisé tout cela. N'est-ce pas, frère? Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au fur et à mesure que Genèse est donnée, après Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous voyez, il sera pour moi un fils. Vous lisez 1 Samuel chapitre 7. Il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père. Dans ce 2 Samuel chapitre 7, celui qui me bâtira une maison. Donc il veut prophétiser que quand ce fils va venir, il va bâtir une maison. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Il va me bâtir une maison. Celui qui bâtira ma maison. Vous savez, quand David a eu cette vision-là, cette désir-là, de vouloir construire le temple à Dieu, il dit non, c'est le fils qui est sorti de tes entrailles. Vous voyez ce que Dieu en a dit? Le fils qui est sorti de tes entrailles qui me bâtira une maison stable. Parce que toi, tu es un homme de sang. De qui est-ce qu'il parle ici, frère? De Christ Jésus, pas vrai? Mm-hmm. Donc c'est de la postérité de David que sera issu ce fils qui est censé bâtir la maison où nous sommes avancés. Dans Hébreux chapitre 3, dans le verset 6, la Bible déclare que Moïse, que tout serviteur, que Moïse a été fidèle comme serviteur sur la maison de Dieu. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc Dieu dit ici dans ce livre de 2 Samuel chapitre 7 que la maison stable qu'il cherche sur la terre, le temple dans lequel il va habiter, pas le temple de Salomon physiquement qui était prophétisé également par rapport à ceci, il dit c'est Christ Jésus, ce fils-là dont tu parlais, le premier-né qui va venir, c'est à lui de bâtir cette maison pour que ça soit stable. Maintenant, le premier-né vient, il naît d'une vierge, il naît exactement conforme qu'elle est là, il se présente là ce jour-là, il se mêle là, il dit je bâtirai mon église. Voilà 2 Samuel chapitre 7 qui est en avancée. Le projet qu'elle a donné là-bas, elle a donné sa aventure de s'avancer pour arriver à son terme. Alors, donc, je répète dans ce que j'ai dit avant d'avancer ici, c'est que Dieu a la façon immuable d'agir. Quand il met quelque chose dès le départ, au fur et à mesure, il ajoute des révélations pour éclaircir son plan parfait. Pour qu'au fur et à mesure, quand vous voyez la chose se développer, vous voyez clairement ce qu'il veut dire. Il avance sans changer ce qui est derrière, mais il ajoute pour améliorer la compréhension de ce qu'il veut dire. Pas qu'il a changé quelque chose dès le départ. C'est pour ça qu'il dit qu'il agit de façon immuable, sans changer. Alors, tous les plans de Dieu dans la Bible, c'est comme ça qu'il est présenté. Alors, le mariage, donc, c'est comme ça. D'accord, mes frères? On commence par quoi maintenant? C'est vous qui allez me faire parler ici, c'est vous. Le mariage, donc, je vais parler quelques secondes ce soir seulement, pour l'introduction, je vais toucher le cas de ces frères-ci encore. Le mariage est au-dessus de la culture. Viens t'asseoir ici. Le mariage est au-dessus de la culture. Le mariage est universel. Le mariage est universel. Malgré qu'un peuple ne soit pas sous l'influence directe de Dieu, mais sous l'influence des divinités étrangères, respecte la norme et les choses, les aspects du mariage, nonobstant le fait qu'il ne croit même pas à Dieu. Le mariage est donc universel. Donc, l'être humain accepte ou pas, Dieu règne dans leur vie par le mariage. Vous voyez ça, frère, comment c'est merveilleux? Bon, qui a dit à quelqu'un à Mésopotamie que mariez-vous? Tu grandis, tu sens la nécessité de te marier. Donc, même par prophétie, même de façon inconsciente, les gens accomplissent la volonté de Dieu sans s'en rendre compte. Parce que c'est sa première institution. On a vu dans la Genèse. Il dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Que Pharaon, même si je dis qu'on sait qu'il est moche, même si je dis vous savez qui n'importe qui, Nabajot, vous savez n'importe quelle divinité, Adrimalan, vous faites n'importe quoi, vous voyez que le roi va avoir besoin d'une reine. Pas vrai, frère? Vous avez vu deux rois qui sont mariés ensemble? De toute façon, ça va venir sur la terre. Alors, qu'est-ce qui arrive à l'homme? C'est que l'homme, de façon inconsciente, se trouve dans le plan de Dieu, en train d'accomplir le plan de Dieu, tout en résistant Dieu. Alors, Dieu a institué le mariage. Il commence encore, écoutez très attentivement, je vais avancer, pour que, c'est très important. Le mariage est au-dessus de la culture. Le mariage est au-dessus de la culture. Toute culture est influencée par le mariage. Et toute culture a dans sa culture la culture du mariage. Maintenant, selon les traditions et selon les cultures, donc, les aspects peuvent varier l'un et l'autre selon les cultures, selon les peuples. C'est là qui crée confusion justement. Parce que, on va se rendre compte, lorsqu'on est en Chine, la façon de se marier, c'est différent. Enfin, prenons un peuple particulièrement. Dans un même pays, des aspects de mariage diffèrent selon une tribu à une autre. Ça, c'est donc l'influence des cultures sur le mariage. Ce n'est pas le mariage sur la culture. Est-ce que vous comprenez? Et le vrai problème, c'est que ne comprenons pas la différence entre le mariage, l'institution proprement dite, et la chose culturelle qui se cache derrière les festivités dont le peuple a ajouté. Ça a fait de telle enseigne qu'on regarde la festivité par rapport au mariage. Je veux que ça pénètre bien pour que j'y avance. Il y a la festivité qui se tourne autour du mariage. Cette festivité-là varie d'une culture à une autre, d'un peuple à une autre, les festivités. Mais le mariage reste debout. Le mariage est unique. Tel que je suis en train de parler, vous allez comprendre et doucement jusqu'à ce que là où ça va arriver. Cette chose, je ne sais pas, vous me comprenez quand il parle de ce que je suis en train de parler, de ce que je veux dire au juste. Vous saisissez ce que je suis en train de dire. Je crois que si vous êtes fatigué, il faut qu'on vous donne de l'eau et vous prenez la bouillie avant qu'on avance. Parce que je vais me faire bien comprendre. Vous êtes de la culture Douala. La façon dont on se marie chez les Douala n'est pas la même façon qu'on se marie dans le Katanga, ou bien à Lubumbashi, ou bien au Sud Kivu, ou bien vous prenez à Eyomoudjok, à Manfe, à Ngelmoudouka, à Ngokutunja, du côté du Nord-Ouest. La façon dont on marie, c'est différent, n'est-ce pas? Mais pour ce qu'ils sont là de faire quoi? Mais qu'est-ce qui diffère alors? Là, la forme, la façon de célébrer le mariage. Donc ça veut dire que le mariage et la célébration sont distincts. C'est ça, frère? Ok, maintenant. Si donc, chez vous, on exige les chèvres pour se marier, et chez nous, on n'exige pas. Si tu donnes les chèvres, tu es marié. Si tu ne donnes pas, si tu es marié, donc ce n'est pas la chèvre que tu vas donner ou tu ne l'as pas donné qui va causer le problème du mariage. Vous voyez ce que ça veut dire là, n'est-ce pas? Alors, il faut donc chercher dans la définition biblique la chose qui est commune entre tous ces peuples. C'est cette chose commune qui détermine le mariage selon le Seigneur. Alors maintenant, peuple de Dieu saint, j'aimerais que vous me dites, qu'est-ce qui est commun donc dans toutes ces choses? Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour le frère. Dis ça à haute voix parce que c'est ce qui fait des visages comme ça. L'accord entre les deux personnes qui peuvent se marier. Donc vous savez dans n'importe quel peuple, il doit avoir. Accord. Il doit avoir. Accord. Si vous comprenez ça normalement, le mariage c'est terminé. Lorsqu'on n'a pas expliqué ça de cette façon, vous savez que les gens croient. Il y a des gens qui sont mariés depuis longtemps. Ils croient que je suis là comme ça, petit vie dans le péché. On va voir les aspects dans la Bible. On va développer cela. C'est pour ça qu'il était nécessaire qu'il nous explique tout ce qui est expliqué par rapport à la façon dont il fonctionnait et cet aspect culturel et festif qui se trouve autour du mariage. Alors donc, si pour les uns on réclame telle chose, pour l'autre on dit qu'on va voir le papa, s'il va voir l'autre personne, on va voir l'autre personne, on va voir l'autre personne. L'autre on dit que non, nous voulons seulement l'enveloppe. L'autre on dit que va voir le petit frère, tu achètes le vélo. L'autre tu achètes le moulin à écraser. Pour l'autre, comme la femme a fréquenté, la fille a fréquenté, elle est brune, faut donner un vœu au papa. Vous savez, chez les Chang, si vous avez des Chang, vous savez, je ne sais pas, si je raconte, vous êtes Chang ici et que je raconte quelque chose, c'est faux, dites frère Junior, avant dans l'évangile, n'avance pas dans notre culture. Chez les Chang, si une fille est brune, avant de mettre le pied là-bas, mesurez vos poches. Mesurez vos poches. Même si elle est brune et avec les dents écartées, il n'y a pas de condition des dents là-bas, c'est la condition de la peau. Parce que la femme brune est chère, extrêmement chère. Vous voyez ça, frère? Ça, c'est chez les Chang. Maintenant, si vous lisez votre Genèse, chapitre 14, chapitre 34, le verset, je vous ai dit le verset 1 à 12. Si vous regardez le verset 12, enfin, dans ce Genèse, chapitre 34, il est question d'Amon, n'est-ce pas? Avec Dina. Qui va regarder Dina, va tomber amoureux de Dina, va la violenter, et puis elles vont coucher ensemble. Et puis, désirant prendre Dina pour femme, elle va aller voir son père. Pour dire à son père qu'elle va demander à la fête famille si cette fille c'est pour moi. On va revenir dans tous ces aspects, dans chaque fois qu'on va développer. Puis il dit, exigez de moi une forte somme de dot et de cadeaux. Et je vous payerai pour Dina. Voilà la première mention de la dot dans la Bible. Moha, la forte dot. La dot. Et c'est lui qui dit, exigez de moi une forte dot. Parce que la dimension de l'amour qu'il portait pour Dina, il ne voulait pas laisser Dina. Il veut dire, exigez-moi de me poser quoi, mais le vote, il veut que vous attirez votre attention au niveau de exigez-moi de moi la dot. Ouvrez cela. Genèse chapitre 34. Que Dieu vous bénisse. Dans Genèse chapitre 34, le verset 12 dit quoi, mon cher? Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Oui. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc voilà la première mention de la dot dans les Saintes Écritures. La première mention directe de la dot dans les Saintes Écritures. On va voir cela dans la suite en répondant à la question, parce qu'on a posé la question: la dot est-elle biblique? Oui. La réponse est claire, c'est oui, elle est biblique. L'assassinat est-elle biblique? Oui. L'assassinat est biblique. Le meurtre est-il biblique? Oui, frère, c'est biblique. Le viol est-il biblique? Oui, c'est biblique. Le mensonge est-il biblique? Oui, c'est biblique. Faites attention à la façon dont vous posez des questions. Parce que ça se trouve dans la Bible. L'enseignement de la dot se trouve dans la Bible. L'enseignement de l'assassinat se trouve dans la Bible. L'enseignement du mensonge se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. C'est biblique. Le mariage est-il biblique? Oui, c'est biblique. L'homosexualité est-il biblique? Oui, c'est biblique. La question c'est, qu'en est-il de la dot dans la nouvelle alliance? Ah, c'est une bonne question, pas vrai? La dot était biblique, frère? Oui. Tout comme la dîme est biblique. La dîme est biblique. Si je dis la dîme est biblique, je dis oui, c'est biblique. Si je dis alors, je dis oui, alors. Quand on dit la dîme était biblique, je dis oui, la dîme est biblique. Il dit alors, pourquoi tu dis que les gens ne paient pas la dîme? Pourquoi c'est biblique? J'ai dit ok. Le meurtre est-il biblique? Oui. Il dit, va dire aux gens de se tuer. Comme c'est dans la Bible, donc, il dit aux gens de se tuer, vous. Si ça vous dépasse, les éléments vous dépassent, allez vous pendre comme Judas a fait, parce que c'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Donc il faut donc qu'on suive la Bible, le fil de la Bible, pour savoir de quoi il est question. Et pour cela, quand vous voulez aborder ce style de thème, on a déjà été infesté et influencé par la culture au point où il faut aller doucement pour que les gens puissent, un, recevoir le nettoyage, deux, l'illumination, trois, la compréhension. Tout comme la dîme, quand on parle de la dîme, vous voyez, quelqu'un va ouvrir directement Malachie chapitre 3, parce qu'on a passé le temps à matraquer la terre. Quand tu parles de la dîme, dans la tête, c'est dire que ce sont les gens dont on parle, le pasteur parlait, qu'il va venir vous dire de ne pas payer la dîme pour que vous soyez sur l'emprise de la malédiction. C'est ce qu'il va dire. Où est-ce là? Maintenant, quand cette personne sera éclairée, comment elle doit être éclairée? Il faut d'abord lui expliquer pourquoi cette personne-ci insiste qu'on paie la dîme, parce que ça a leur avantage. Un. Deux, donner l'illumination de ce que c'est que la dîme, comme la Bible enseigne, et comment on devrait payer. Trois, il va arriver à cette compréhension-là, il va répondre à la question, en réalité, dois-je le payer? Lui, il va regarder son pasteur maintenant sur un autre œil. Ainsi, en est-il donc de tout sujet biblique. Première chose donc, premièrement, faut recenser toutes les parties de la Bible qui en parlent. Deuxième chose, voir l'idée générale ou la compréhension, ce que Dieu veut qu'on comprenne derrière. Quand vous avez dit Dieu qu'on comprenne derrière, voyez les exemples pratiques de ces choses-là dans la Bible. Quand vous avez vu cela dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, tout aligné, vous avez la pensée de Dieu derrière. Vous avez la pensée de Dieu derrière. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez compris ici. Et que vous l'admettez ou pas, que vous n'avez pas compris, vous avez quand même compris que le mariage varie selon les cultures. Et ce n'est pas le mariage qui varie selon les cultures en réalité. Les festivités du mariage varient selon les cultures. Ce n'est pas le mariage. Parce que le mariage, c'est la relation entre deux personnes. La façon d'entrer dans cette relation-là, tout autour, c'est ça qui varie. Deux personnes doivent être ensemble. Comment on célèbre pour qu'ils soient ensemble. C'est ça qui varie des parts et d'autres. Mais il y a une chose, je veux que vous reteniez, il y a une chose qui est commune entre toutes, païennes, non païennes, que ce soit chez les musulmans ou en Allemagne, au maximum quatre femmes, que ce soit n'importe comment, il n'y a qu'une seule façon qui est universelle et qui est identique pour chaque personne. Si c'est pas obtenu de cette façon-là, il n'y a pas mariage. Si c'est pas obtenu, si ces choses-là n'est pas au milieu, il n'y a pas mariage. Ces choses, c'est quoi, frère? L'accord entre les deux personnes. Le mariage prophétise quoi dans la Bible? Je vais vous lancer c'est un petit questionnement pour que vous rentrez avec la méditation. Le mariage prophétise quoi dans la Bible? Ton père t'a-t-il dit d'aller chez Christ? Non. Ton père ou ta mère t'ont-ils donné à Christ pour que tu sois sa femme ou son... Ça dépend de qui? De qui? C'est quand même curieux. Ça dépend de qui? Okay. Vous voyez le mariage, n'est-ce pas? Ça commence à se profiler à l'horizon. Ça commence à se profiler à l'horizon. Savez-vous que pour être marié et recevoir le prix du mariage, il faut être vierge, frère? Si vous ne me comprenez pas, dites-moi qu'il dit ça autrement. Et dans ce cas-là, il dit que frère, vous jurez peut-être que vous avez compris dans quoi. Non, il n'a rien compris, mais il dit, vous jurez que oui quand même. Que j'avance. Je vais recommencer ici. Je risque frustré, ou je risque de ne pas me faire comprendre. Mais je me mets à la place de l'écriture, je me cache dans les écritures, je suis obligé. Je m'en fiche quelques pensées, que ce soit qu'on peut dire de moi ou bien dire n'importe quoi de moi. On va lire trois passages. Je vous les ai donnés. Quand on va finir de lire, je vais fermer, je vais vous regarder dans les yeux, je vais vous dire les vérités. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Exode chapitre 22. Je ne vais pas prendre ça nulle part. C'est dans votre Bible. La différence, c'est que vous avez lu, vous avez jeté un coup d'œil. Maintenant, on va lire. D'accord, frère? Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai donné Exode chapitre 22, je n'avais plus besoin de noter. Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui. Permettez-moi d'ouvrir ma Bible pour voir ce qui est dit là-bas. Exode le chapitre 22. Vous y êtes? Lisons à partir du verset 16. Donc, il y a eu deux ou trois versets là-bas. Je veux que chacun ait ce verset devant ses yeux pendant qu'on va lire. Nous nous trouvons maintenant aux lois qui sont relatives aux mœurs. C'est-à-dire que ce sont les prescriptions que Dieu donne au peuple d'Israël. C'est relatif à la propreté et aux mœurs dans le peuple juif. D'accord? Dans le peuple de Dieu, appelons ça le peuple de Dieu. Versets 16 et 17 disent ceci. Si un homme séduit une vierge, soulignez une vierge. Osez avec moi. Si un homme séduit une vierge, qu'est-ce qu'il ne voit pas avec le Seigneur? Qui est dans Genèse ici? Donc, comme tu es dans Genèse, mais comment est-ce qu'il a fait pour être dans Genèse? Si un homme séduit une vierge, vous avez souligné, frère? Ok, maintenant, qui n'est point et qui couche avec elle, il paiera. Souligner, il payera sa dot. Elle la prendra pour femme. Écoutez bien, on va y revenir dans ce 1 Corinthiens chapitre 17, verset 38, dans la version du second et haut de là-bas. Verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent. Notez Genèse chapitre, Nombre chapitre 30, les versets 1 à 15. Notez. Notez Nombre chapitre 5 aussi. Il y a un enseignement, la place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu et dans l'église. Je ne sais pas si vous connaissez cet enseignement. Où j'en ai fait part de ces passages ici. La femme sous l'autorité de son père et la femme sous l'autorité de son mari qui est de la maison paternelle. Je crois que j'en ai parlé. Regardez ici. Verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Vous avez moi? Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent. Il payera en argent quoi? Soulignez la dot des vierges. Vous avez moi? Ah, maintenant vous allez soit vous refusez la Bible, soit vous déchirez, vous jetez. Maintenant, regardez bien. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Pourtant, en haut, on a dit, s'il arrive qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Et si on dit que si le père refuse, dans ce cas, il paye la valeur en argent, dont la dot n'était pas payée en argent, premièrement. C'est au cas où le père se soustrait, refuse de donner la femme, qu'on convertit la valeur. Vous avez moi, hein? C'est la Bible qu'on a dit de lui là. On dit verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot. Vous voulez donner la voiture à quelqu'un par exemple. La personne dit que je ne veux pas la voiture. Donne-moi la valeur en argent de cette voie. Donc si la voiture coûterait 1 million, tu me donnes en espèces 1 million. Donc ça veut dire qu'initialement si on payait plutôt avec la voiture, c'est la voiture qu'on doit donner. Mais voici la condition qu'on doit payer avec l'argent. Un peu comme dans le cadre de Dine, dans ce Deutéronome, chapitre 22, si vous lisez, où il est dit que peut-être lorsque l'Éternel t'aura béni, le lieu où il aura choisi pour y faire résider, ton nom sera éloigné à cause de ton éloignement. Tu vendras les choses que tu devais apporter comme dîme et tu serreras l'argent dans tes mains. Et tu partiras en ce lieu, le lieu où l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Et là, tu vois, n'est-ce pas, donc la dîme est convertie en argent ici pour arriver. Et arriver là-bas, on achète selon tout ce qu'on veut. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire initialement, la dîme n'est pas en nature d'argent. Je ne sais pas si on comprend. Voilà. Alors, ici, il est question de la dot, du paiement de la dot, de la valeur de la dot en argent au cas où le père refuserait de donner une femme à la personne. Maintenant, première condition pour prendre la dot, il faut que la fille soit vierge. Il faut que vous me regardez maintenant bien doucement. Il faut que la fille soit vierge. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je viens de dire. Justin ne voulait aller d'après la Bible. Si on lit la Bible et qu'on veut respecter tel que cela. Je crois qu'il veut prendre le parallélisme toujours avec la dîme pour que vous saisissez ce que je viens de dire. Avec la dîme, il était question, il n'y a nulle part où il est précis, par exemple, qu'on paye mensuellement. Parce que quelqu'un te dit que paye chaque mois ta dîme, il n'a pas d'écriture sur lequel c'est basé. Parce qu'il n'a pas rien, il n'a rien sous lequel il peut soutenir pour dire que voici pourquoi tu dois payer en par mois. Parce que Dieu, en disant telle dîme c'est chaque année, à l'autre dîme c'est chaque trois années, il sait pourquoi il a dit, c'est lui qui donne les ordres. Ce n'est pas à nous de nous auto-proclamer en fixant que ta part peut être ceci. Dieu n'a pas laissé libre cours pour que chacun soit législateur de sa parole. D'accord? Dieu n'a pas donné libre cours pour que chacun soit législateur de sa parole. Alors maintenant, si Dieu a exigé la dîme et qu'elle n'a pas exigé en argent, et qu'aujourd'hui quelqu'un dit que si je touche 100 000, 10 000 francs pour vous Dieu, sur quelle base de l'écriture se tient-il? Il n'a pas raison. Parce qu'il faut faire qu'à la manière de Dieu, il faut faire comme Dieu a dit, pas comme nous avons décidé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Pourtant, quand Dieu parlait de cette dîme-là, il y avait l'argent à ce moment-là. Mais il n'a jamais exigé qu'on paye cela en argent. Sur quelle base donc? Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, si je viens donc aujourd'hui, moi, prédicateur, pour vous dire payer les dîmes, et je dis si vous avez 1 million, 100 000, c'est pour Dieu. Sur quelle base, sur quelle écriture je me tiens? Je ne suis pas dans la Bible. Et la Bible n'est pas d'accord avec moi. Par conséquent, je suis un usurpateur. Vous avez suivi? Ok. Maintenant, la Bible déclare, c'est là, dans la loi, dans ce chapitre 22 d'Exode, on va y revenir maintenant, on va aller dans Deutéronome, après ceci, après ce qu'il dit ceci. La Bible nous retrace dans la culture juive, dans la tradition juive, que la dot était payée pour des vierges. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, les frères? Amen. Ok. Si on veut donc dire que tu dois doter ta femme, je suis en train de dire, si on a donc dit que tu dois doter ta femme, première condition, il faut qu'elle respecte la virginité. Pour être biblique, pour respecter la norme biblique, il faut que la femme que tu pars pour épouser, pour qu'on demande la dot, soit vierge. Parce que s'il n'est pas vierge, sur quelle base vous allez dire qu'on va payer sa dot? Sur quelle base? C'est pour cela que quand elle couchait en premier lieu avec un homme, il était obligé de la prendre et payer la dot. Parce que quand on va la laisser là-bas, personne ne pourra plus la prendre parce qu'elle a été déshonorée. première chose, on va vraiment aller doucement. Parce que très souvent, on pose des questions au prédicateur. Faut-il payer la dot? Oui. Faut-il pas payer la dot? Non. Et ça commence comme si c'est comme si c'est l'opinion de chacun. Que moi, je pense qu'il faut payer. Il ne faut pas penser. Il faut lire la chose totalement et faire comme il s'est dit. Donc, on va expliquer par exemple la dîme aux gens. S'il veut payer, il paye, mais à la manière biblique. Tant que tu vas payer n'importe quelle dîme, tu vas payer. Si ce n'est pas à la manière biblique, tu en as fait ta part. Là, c'est parce que Dieu a ordonné. Quand il a dit à Samuel, dans l'île à Saül, d'aller décimer les Amalécites, les tuer, les voués par intérêt, dans 1 Samuel chapitre 15, il n'a pas donné libre cours à Samuel, à Saül, de penser n'importe quoi. Il a dit, tu dois passer au fil de l'épée, homme, femme, enfant, nourrisson, celle qui allait n'importe quoi, le bœuf, tout. C'est tout ce qu'il y avait, tu dois passer au fil de l'épée. N'est-ce pas, frère? Amen. Voilà la parole. Il dit, va maintenant, dévoue par interdit les Amalécites. Parce que je me souviens, lorsque Israël est sorti, mon peuple Israël est sorti, il n'est pas venu devant lui, devant son chemin pour lui apporter de l'eau. N'est-ce pas? Samuel est venu dire, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens, il a donné l'ordre. Il est parti. Il est allé, il a gardé les beaux, il a gardé Agak, capturé le roi Agak, il a gardé. Il a pris le veau gras, il était allé sacrifier à l'Éternel. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour cette victoire. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour cette victoire. Prends le grand bœuf, il mange, charge beaucoup de graisse, tu parles. Quand il a fait ça, Dieu a dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il n'observe pas mes voies. Pourtant, il a fait 85%, pourrait-on dire. C'est pour dire quoi? Si tu veux faire à la manière de Dieu, fais comme il a dit. C'est Saul là, n'est-ce pas? Donc Dieu a exige quoi? 100%. Remarquez très bien que quand Dieu a en train de contester avec Saül, avec Samuel, il n'a pas dit qu'il a fait une partie de mes paroles. Il a dit qu'il n'observe pas mes paroles. Il n'écoute pas ma parole, il n'obéit pas à mes voix. Quand Samuel est venu pour le rendre compte, quand il a dit, Samuel, apporte Samuel, sois béni de l'Éternel, je fais tout ce que Dieu a dit. Pour lui, son appréciation, c'est ce qu'il avait fait. Son appréciation, c'est que s'il a fait 90%, Dieu peut comprendre le reste. Dieu ne comprend pas le reste, il comprend ce qui n'est pas resté. Donc, si vous payez les dîmes, arrangez-vous à ce que vous allez payer tous les 5 styles de dîmes. Vous donnez les dîmes du chef de l'État. Vous donnez pour les Lévites. Vous attendez que les Lévites payent au sacrificateur. Vous donnez pour les orphelins et les pauvres. Vous allez à Jérusalem, vous allez manger la troisième année. C'est aussi simple que possible. Chaque 3 ans, vous allez à Jérusalem. Allez à visa, allez, même si vous allez à Jérusalem, allez au temple, à la mosquée là-bas, vous voir manger là-bas. Donc voilà, c'est la manière dont il le fait. Et les Juifs faisaient tel que c'est écrit. Parce qu'ils lisent comment vous allez conduire, comment le jeune homme rendait-il plus son santé en se dirigeant d'après la parole du Seigneur. C'est le psaume 119, verset 9 qui le dit. Alors si la parole du Seigneur dit quelque chose, on doit se diriger. On ne dit pas, ce n'est pas la parole d'un homme qu'on doit suivre, c'est la parole du Seigneur. Si la parole dit quelque chose, on doit le faire. Alors donc, ainsi, pour la dot, comme c'est biblique, on dit que non, on a vu que la dot, je sais le prendre directement, là on a écrit dot physiquement. Je ne vais pas toucher les aspects où on a dit que pour Jacob, il a traversé le temps, c'était sa dot. Ça c'est notre interprétation, parce qu'on va y revenir. Pour le cas d'Isaac, quand le serviteur d'Abraham est allé pour prendre Rebecca, ça c'est la dot. On peut considérer ça comme une dot. Mais je vais directement d'abord là où c'est dit brutalement. Pour qu'ici il n'y ait pas de contestation, on a écrit dot. D'accord, frère? Voilà. Parce qu'il y a des gens, je connais notre groupe chrétien qui disent que non, non, non, depuis que tu es monté dans le Nouveau Testament où on parle des dîmes. Il dit, frère, j'attends seulement voir cela. Vous savez là où il a prié? Galates chapitre 6, verset 6. J'étais étonné. Il a fini de lire pendant qu'il lisait le regard. Il dit Galates, quand il dit Galates, je sais exactement où il va aller. Il dit chapitre, je sais exactement où il va aller. Il finit, il dit frère, je veux que tu me dises où est-ce qu'on parle des dîmes dans ces versets. On peut considérer aussi ça comme les. Vous avez vu les tournures. Je ne peux pas considérer, moi, quand ce n'est pas considéré, que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens. Si c'était les dîmes, ce n'est pas la plume qui a manqué à la preuve, parce qu'après le verset 6 là, il a continué jusqu'au verset 11 en bas là-bas. Donc ce n'est pas la plume, ce n'est pas l'encre qui était finie. Si c'était arrêté au verset 6, on pourrait dire que non, il écrivait sa plume infinie comme il y avait les encres étaient rares en ce moment là. Non, c'est pas ça, il a continué verset 7. Si on ne se moque pas de Dieu, c'est quand un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je vous dis, il ne m'occupe pas. Celui qui semera de sa chair, il a écrit cela. Nous ne lassons pas de faire de bien quand nous moissonnons tant qu'on nous. Donc il a écrit beaucoup, donc c'est pas l'encre qui a manqué. Donc si vous voulez dire que celui à qui on enseigne fasse pas de 10%, il veut écrire 10. C'est pas ça, frère. Il n'a pas écrit Dieu, il dit fasse participer l'autre à ce bien matériel. C'est ce qu'il veut dire. Alors donc, un chrétien, pour essayer de dire que non, il va justifier la dîme à la menée de l'église, voilà là où ils sont allés tomber. Donc si la Bible ne dit pas, ne dit pas. Si la Bible dit, dites à la manière de la Bible, parce que devant Dieu, toute bouche sera fermée. Et comment donc tu vas t'en sortir devant Dieu si tu n'as pas dit comme Dieu a dit? Il dit donc aux enseignants, mettez-vous en garde, parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Vous me suivez, frère? Alors, la Bible nous dit dans Exode chapitre 22, versets 16 et 17, que si un homme séduit une vierge, c'est dit quoi, frère? Une vierge. C'est pour ça qu'il vous a demandé de souligner. Et qu'il couche avec elle, il la prendra pour femme et il donnera la valeur en argent, il payera sa dot, il ne pourra pas la renvoyer. Si, verset 17 dit, si le père refuse de lui donner, il payera la valeur de la dot en argent. Donc la dot n'est pas payée en argent. Donc si on veut respecter, hein, il faut que la fille soit vierge. Deux, si on refuse, tu donnes la valeur. Ici, c'est que le verset 17 du chapitre 22 de Exode en dit, c'est que tu donnes comme ça, tu ne prends pas la femme. Hein. C'est ça que vous comprenez. Parce que dans nombre, vous allez voir effectivement que si quelqu'un vient prendre une femme, il va à la maison le jour de la noce, vous savez, de ces célébrations-là, il découvre le fait qu'elle n'était pas vierge. Vous savez, il y a une sanction encore pour cela. Donc il faut que le père prenne d'abord l'argent, donc il va manger le sang de cette fille-là. Si elle a été violée et qu'il a caché, c'est pas ce que c'est ici. Vous avez mis ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Ok. Parce qu'on parle de si une femme a été criée, si une femme crie, ce sont les normes que Dieu avait mis dans la société. Parce que si une femme, si elle ne crie pas, on va l'incriminer. Elle a été en accord. C'est comme si les gens ont fugué pour aller commettre la fornication. Mais elle crie, elle reçoit de l'aide, on va prendre ce garçon, on va le lapider. Donc si un homme était marié en Israël et que la nuit de la noce, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle d'avant lit. Vous avez lu ça au moins, non? Ou bien? Vous savez de quoi je suis allé parler? Ok, donc, on dit donc, si la nuit de la noce, le garçon vient en disant que j'ai pris votre fille, je ne l'ai pas trouvée vierge. On dit qu'on va amener cette fille, on va amener la preuve de culpabilité. Si le garçon me mentir, il faut que les parents amènent la preuve de la virginité. Alors je vous pose la question, c'est quoi la preuve de la virginité? Réfléchissez-y, je n'ai pas demandé que vous me répondez. Il faut une preuve de la virginité. Donc le mariage était tellement sacré au point où l'homme et la femme qui se mariaient étaient connus pour consommer l'alliance qu'ils ont faite et entrer en alliance. Pour que le sang se touche. Pour que le sang et la semence se touchent. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Alors, lorsque la femme n'était pas vierge, elle était considérée comme une débauchée. Une prostituée. Vous voulez parler au milieu de l'église aujourd'hui, frère? Vous voulez parler au milieu chrétien aujourd'hui, frère? Donc, un homme qui viole une femme, une fille qui est vierge, et qui vient la prendre, on l'attrape, il va prendre cette femme-là pour épouse, en payant la dot. Si le père dit que malgré que tu as violé, il soit m'expliquer le verset là. Je ne te donne pas pour femme. Il doit payer quand même, donner la valeur en argent. Il donne la valeur de la dot. Mais la valeur qui est donnée, ce n'est pas fixée par n'importe qui. C'est pour cela que ça devient intéressant encore. Ce n'est pas fixé par n'importe quel peuple. C'est réglementé par la parole du Seigneur. La valeur de la dot des vierges. Maintenant, comme il a donné la valeur là-bas, vous allez convertir en votre monnaie périodique. Donc si c'est en CFA, vous payez en CFA, mais la même valeur là. Si c'est en euros, vous payez en euros. Je suis allé dire au cas où on doit payer. D'accord? Et on paie la valeur en argent si le père refuse. Vous n'avez pas dit que je donne la valeur en argent, je ne vais pas prendre la nature. Non, Dieu n'a pas donné un libre coup qu'on pense. Et si le père refuse, tu lui paieras la valeur en argent. C'est Dieu qui a décidé comme ça. C'est que tu donnes ça en argent. Et ça doit être comme ça. Tu n'as pas enlevé le père dit que voici la dot qu'il devait payer s'il la prenait. Prends ça maintenant. Non, non, non. Il dit c'est la valeur en argent. Je suis en train d'expliquer comme ça, d'insister pour qu'on comprenne la rigueur de l'application. D'accord? Deutéronome. Avancez juste. Deutéronome, mes frères. On y va. On n'est pas content, non? Donc, après vous avez écouté ça, vous qui avez les filles, vous aurez fort à faire. Vous qui n'êtes pas vierge, vous aurez fort à faire. Vous voulez que vous vous mariez, vous aurez fort à faire. Deutéronome chapitre 22 encore. Tout à l'heure, on était dans Exode chapitre 22. Maintenant, on va dans Deutéronome chapitre 22. Dans cette deuxième partie, donc, nous sommes en train de voir l'aspect culturel de la dot du mariage par rapport à la parole du Seigneur. D'accord? C'est ça en plein que nous sommes en train de voir l'aspect culturel du mariage selon les cultures et à la lumière de la parole du Seigneur. D'accord, frère? Et puis, il finit de lire ceci, il dit quelque chose, et puis il m'arrête là. Regardez, nous sommes dans Deutéronome chapitre 22, d'accord, frère? Regardez, à partir du verset 13, je vais lire à partir du verset 13 doucement, et je veux que vous suivez. Si un homme qui a pris une femme et allait est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles, et porte des choses quoi, frère? Et porte atteinte à sa réputation en disant, c'est ça que je t'allais dire aujourd'hui. J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, comme vous avez approché d'elle, n'est-ce pas? Et je ne l'ai pas trouvée quoi? Vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme, parce qu'ici on est porté à quoi? Atteindre à son réputation. Donc ici, ça veut dire que la chose qu'on lui reproche est le mensonge, d'accord? Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. Donc, vous voyez effectivement que il faut que le parent prouve la virginité de sa fille. Combien de parents peuvent témoigner de leur enfant? Combien? Si ce n'est pas le père lui-même dans notre époque qui viole sa propre fille, il dit que non, on ne vend pas quelque chose au marché sans goûter. Ah, il dit que la perversion de cette époque, vous pouvez savoir. Ou dit, c'est moi qui dis ça, frère. Ah. Maintenant, il dit ici, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce que, écoutez très attentivement le verset 19, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ah, tu parles de la Bible. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, porter réputation même sur la virginité d'une femme, c'était un crime. C'est pas ça, frère. Au point où, si tu es même son mari, tu dis comme ça et qu'elle était vierge, tu essaies de mentir, donc quand elle était primée, est-ce que tu étais vierge? 100 cycles d'argent d'amende. Et il reste à la maison. Et la sentence, c'est que Matthieu chapitre 19 ne s'applique plus sur toi. Matthieu chapitre 19 ne s'applique plus dans la condition de renvoi. Donc même si plus tard, elle te trompe, on dit que la Bible dit que tu ne dois plus la renvoyer tant que tu vivras. On n'a pas dit condition 1, ça sauf si elle te trompe. Parce que tu as porté atteinte à sa réputation. On dit à la réputation d'une vierge d'Israël. Autrement dit, on ne peut parler du mariage biblique propre dans la pensée du Seigneur sans parler de la virginité des jeunes filles. Vous voyez pourquoi, vous les jeunes parents, vous qui êtes là, vous devez recycler et former dès le bas âge vos jeunes enfants qui doivent se préparer pour le mariage. C'est le rôle donc des femmes âgées à être retenues chastes. Vous avez entendu cela dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Hein? Il faut que les femmes âgées donnent des bons instructions aux jeunes femmes dans le but d'aimer leur mari. Vous avez vu ça, frère? On laisse là, on croit que ce n'est pas important parce que tout le monde peut être au pupitre. On croit en prenant le micro en prêchant qui fait que ce soit important. Alors qu'il y a des choses sous-marines qui sont plus importantes. Enseigner aux jeunes filles à garder les virginités jusqu'au mariage, c'est une grâce. Notre époque, s'y résister à la puissance des eaux, à la puissance de la reine des côtes pour garder son corps chaste. Quand on ne touche pas jusqu'à ce pas au mariage, c'est encore notre grâce. Perverti jusqu'aux eaux. Avançons ici. Tu vois une fille de 15 ans comme ça, qu'elle a vu les hommes, les hommes que même les mamans de 85 ans n'ont jamais vu. Continuez ici. Verset 20. Ça, c'est le contre maintenant. Ça veut dire que s'il arrive que ce garçon, ce qu'il a dit et qu'il reproche à cette femme-là est vrai, voici la suite. Mais si le fait... Écoutez très attentivement, regardez-moi bien, frère. Regardez-moi, pendant que je lis le verset. Vous m'aimez. Amen. Vous aimez la vérité. Amen. Vous voulez vivre selon la vérité. Amen. Ok. Si vous lisez là-bas, enfin, si on lit ensemble, dans votre Bible, vous saurez que c'est la vérité. Amen. Quand on va finir de lire, vous allez admettre. Amen. Lisons. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne sait point trouver, on la fera sortir, la jeune femme, à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville. Soulignée. Donc, exiger une dot égale exiger la virginité. pendant que dans le processus d'exigence des dots, si on se rend compte que l'exigence de la divinité n'est pas accomplie, il faut qu'on passe au verset 20. Je vous ai posé la question, mais vous voulez appliquer la vérité? J'ai dit, commence. Exiger la dot conformément à la loi égale directement exiger la virginité de la fille qu'on n'a pas dotée. Et au cas où elle n'est pas vierge, il faut passer au verset 20 de Deutéronome 22. Il faut faire quoi, frère? Encore, il faut faire quoi, frère? Pointez quelqu'un donc. Dis que si tu es chrétien. Encore, si tu es chrétien et que tu exiges la dot de ta fille, rassure-toi qu'elle est vierge. Parce qu'on doit regarder la preuve de sa virginité. Si elle n'est pas vierge, fais attention. Nous devons la lapider. Voilà. C'est fort comment? C'est la vérité et c'est la Bible. Nous sommes d'accord? Parce que ici, c'est un pas que non. Il faut qu'on paye seulement la dot. Au cas où ça manque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer ce que l'on a dit, ça manque, parce qu'il faut prendre totalement. Un peu comme tu ne veux pas dire, je paye seulement ma dîme par mois. Il faut payer toute la dîme telle que c'est dit, parce qu'on a dit les dîmes. N'est-ce pas, mes frères? Je vais arriver. On va y arriver. C'est la Bible à la lumière de la Bible, à la lumière de notre compréhension temporelle et 21e siècle, et à la lumière de notre tradition préétablie, établie et maniaque. On avance? Ok. Verset 21, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu. Tu ôteras ainsi le mal du milieu. Est-ce que ce que Dieu a appelé mal sous l'ancienne alliance a été transformé en bien aujourd'hui? Non. Je vais m'arrêter avec la Bible, je vais avancer doucement. Pourquoi Dieu demande qu'on lapide cette fille-ci? Elle a commis quoi dans la maison de son père? Donc, le petit amétisme et la proximité sexuelle dans la maison de son père étant jeune est une abomination devant Dieu. Elle est considérée comme mal devant Dieu. Mais les enfants des pasteurs, les filles des pasteurs couchent avec les anciens, gens qui dirigent dans la maison du père. Vrai ou faux? Vous avez vu les filles des pasteurs au-delà qui ont obtenu l'enfant à la maison, pas vrai? Mais la Bible déclare donc effectivement, parlant des anciens, qu'il ne faut pas que leurs filles soient accusées de débauche. On ne dit pas qu'elles ne soient pas débauchées, qu'elles soient accusées. On exige ça des anciens. Au lieu de s'occuper de cela en profondeur, ils pointent le doigt dans la famille qu'elle est dotée telle personne, elle est dotée telle personne, alors que le danger se trouve à la maison. Alors je recommence encore. C'est que Dieu a considéré comme mal qu'on devait faire pour extirper le mal du milieu d'Israël. Est-ce que ça peut avoir changé aujourd'hui? Non. Alors, si ceci était mal au milieu d'Israël, il faut admettre que c'est l'est également au milieu de l'église. Donc, c'est mal au milieu de l'église pour une fille d'aller en mariage sans être... Bien. Il n'y a qu'un seul lieu dans la Bible où on exige la virginité à l'homme. Et ça ne concerne même pas l'église. Vous savez où, n'est-ce pas? Il y a le Louis II, il sert les Dabi. Hein? C'est bien ça, frère. Non seulement la virginité, mais il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Maintenant, il y a des sœurs et des pasteurs qui ont trouvé des techniques. Ils disent, en Jésus-Christ, je suis vierge. Quand tu ouvres tes yeux physiques, tu es vierge, frère. Non. Pointe le doigt avec quelqu'un. Dis, si tu as été déshonoré, physiquement. En Jésus-Christ, physiquement, physiquement, tu es toujours déshonoré. La relation avec le Seigneur Jésus-Christ ne rend pas la virginité là. Tu as perdu, c'est pour toujours. Même si tu peux faire cours à docteur I, ça ne rend pas ça. Vous savez qu'il y a des gens dans ETV qui partent faire cours de leur virginité, cours de si pour resserrer. Pas vrai? Ça ne change pas. Parce que Dieu a mis quelque chose que si ça sort, c'est une fois. On ne peut plus remplacer cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Ok. Alors, si Dieu a exigé, dit que tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, une fille qui, étant dans la maison de son père, a eu des rapports sexuels déjà, était un mal. Tournons-nous vers l'église. Que faisons-nous de l'impurité au milieu de nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de l'impudicité au milieu de nous? Pourquoi on ne prend pas soin de prêcher aux jeunes filles de bien s'habiller parce que ça attire le regard des uns et des autres et ça les pousse à l'impudicité? Pourquoi on ne dit pas cela au milieu de l'église? Pourtant, voilà les choses qu'on doit faire pour ôter le mal du milieu de nous. Et que lorsqu'on prêche donc maintenant la sainteté par rapport à l'habillement, on dit que non, vous voulez que les gens rentrent comme les grands-mères. Mais c'est 2 Corinthiens chapitre 11. Nous parlons du mariage, n'est-ce pas? Nous sommes à la deuxième partie. C'est les deux corps ne font qu'être complantés. Alors, pendant que vous allez chercher les 2 Corinthiens chapitre 11, je vous pose la question. Vous qui êtes marié, avez-vous doté vos femmes? Moi, je vous pose la question. Ou bien, vous qui êtes ici, qui êtes marié, les femmes, est-ce qu'on vous a doté? Si vous avez un témoignage, vous avez un témoignage. N'ayez pas peur. J'avais dit, n'ayez pas peur de confronter votre révélation, votre relation avec la parole, parce que c'est la parole. La Bible déclare que toute parole de Dieu est éprouvée. La Bible déclare que cette parole est donnée pour corriger. Alors maintenant, si on corrige quoi, frère? L'erreur. Donc on peut être dans l'erreur, la parole nous corrige. Dieu nous a donné la marque de correction, c'est la parole. N'ayez pas peur. Vous avez été doté, si vous êtes une femme ici, répondez à la question. Vous savez la question que je veux poser, non? Ou frère, tu veux dire quoi? Non, il dit que si quelqu'un est marié, si c'était un homme, as-tu doté sa femme? Si tu dis oui, tu te lèves, je vais te poser des questions. Si tu es un fils, si on t'a doté, tu te lèves, je vais te poser la question. Vous allez me dire sur quel droit? Je crois que la parole doit être prêchée de cette façon-là. Quand on finit de prêcher, vous présentez la Bible devant quelqu'un qui se bombarde ses pensées plutôt contre la Bible. Non, il n'y a personne qui est marié ici. Tu veux parler, frère? Le frère Eric est dans les problèmes. Bonne arrivée encore ce soir. Merci. Moi, j'ai doté. Oui. Ça a dit ta femme. Oui. Tu l'as trouvée vierge? Oui, je l'ai trouvée vierge. Applaudissons d'abord pour lui. Vous dites ici, mais que dit qu'on parlait, vous connaissez son problème, n'est-ce pas? Oui. Voilà sa vierge maintenant qui est partie. On va l'emmener devant les anciens de la ville. Donc elle était vierge. Oui. Voilà. Oui. Tu as payé combien pour sa dot? On a demandé, il y avait l'argent en espèces qu'on a demandé. Et autre chose encore. Et puis la nourriture et la boisson. Voilà. Maintenant, je te pose une question. Lorsque tu as connu qu'elle était vierge, tu as consommé sa virginité avant d'aller payer sa dot, oui ou non? C'est vrai. Ah, c'est ton frère, que Dieu te bénisse. Courage seulement. Donc, il se situe dans Deutéronome, dans Exode chapitre 22, verset 16. N'est-ce pas, frère? Il a maintenant allé demander la main. On a donné la main, maintenant le prophète est venu dire maintenant que j'ai retiré la main. Ah, vous voyez. Je crois que lisons ici, on revient sur celui-là, 2 Corinthiens chapitre 11. Tu es dans le Corinthiens chapitre 11 là? Lis le verset 1 et 2, voilà, allons-y. Oh. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé en un seul époux pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Stop. C'est intéressant. Là, nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est seulement l'apôtre Paul nous montre clairement que le mariage était un type du mariage de Christ. Et puis dit des choses là-dedans qui concernent ce que nous allons voir ce soir, la virginité. Oh, si vous pouvez supporter de moi un peu de folie, mais vous le supportez bien. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. Donc le Seigneur Jésus-Christ aussi s'épouse aussi quelqu'un qui est pur. Allons dans Éphésiens chapitre 5. Verset 27. Allons-y ici. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Stop. Celui-là, il dit, cette église ici, après, dit, c'est ainsi que le mari doit aller. Donc, enfin, je crois que la semaine dernière, demain, c'est parce que vous voyez effectivement que donc, on parle de mari et femme là-bas, on parle de Christ et l'église. Je dis, vous voyez que lorsqu'on parle de mari et de femme là-bas, et leurs relations, les rapports, on parle de mari-femme, Christ, l'église. Mari-femme, Christ, l'église. Mari-femme, Christ, l'église. C'est ainsi, comme, n'est-ce pas? Donc, le mariage, c'est le type de Christ et l'église. L'apôtre Paul dit donc que, comme dans l'Ancien Testament, les mariés, femmes, était présenté à leur épouse vierge, ainsi en est de l'église qui sera présentée à Christ. Et l'apôtre Paul dit qu'il a fiancé l'église à Christ comme une vierge pure. Ici, il dit que cette église a été lavée, nettoyée de toutes ses impuretés pour être présentée sans tache ni ride. Il faut que ça soit irrépréhensible. Tu ne veux pas que les témoins viennent à la Bible pour dire que j'ai regardé l'église, il y a une tache. D'accord, frère? On va y revenir. Donc, en résumé, pour la première partie concernant dans cette deuxième partie et la première partie concernant la tradition et autres là-bas, où on commence à voir petit à petit la réalité de la dot dans l'ancienne alliance et dans le plan de Dieu. Pourquoi on paye la dot et de qui on doit payer la dot, n'est-ce pas? Je crois que j'ai pas fini ce Deutéronome. Si on n'a pas fini le Deutéronome, regardons parce que il faut qu'on regarde la valeur, comment payer. On sort de là. Verset 22, nous sommes dans Deutéronome 22, parce qu'on a fini au verset 21, où il a dit qu'on notera le mal du milieu de nous. C'est pas ça, frère? Maintenant, regardez. Si l'on trouve, verset 22 de Deutéronome 22, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous. Chaque jour, on entend que les pasteurs ont couché avec la femme de quelqu'un. Parce que l'ancien accompagne la femme de pasteur, couche ensemble même dans la voiture. On sait, dans l'église, on sait. Celui qui célèbre le culte. Continuons seulement ici. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Je veux que vous voyez effectivement que le péché sexuel, c'est le péché le plus qui est dans le monde. Si une jeune fille, maintenant on a touché au cas des femmes mariées. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme couche, enfin, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Avec ceci, il peut m'arrêter pour répondre brièvement à une des questions qui est posée là-bas. C'est quoi la fiançaille et autres? On dit en haut là-bas que, verset 23, que si une jeune fille vierge est fiancée, puis ici on dit que cet homme-ci qui a couché avec cet homme-là, avec ces filles-là, a déshonoré la femme de son prochain. Pourtant, elle est vierge et on l'a appelée fiancée. On dit que le simple fait que le gars est venu pour faire ces choses, on dit qu'il a ainsi désigné la femme de son prochain. Donc, si tu es fiancé à quelqu'un, malgré que vous n'êtes pas allé ensemble, tu es sa femme. Si vous voulez fâcher, vous ne dites même pas amen, c'est votre problème, de toute façon. C'est ce qu'on a dit ici. On a dit en haut que si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amenez tous deux à la porte de la ville et lapiderez. La jeune fille pour n'avoir pas crié et l'homme pour avoir déshonoré, on n'a pas dit la fiancée, on a dit la femme de son prochain. Donc, la fiancée d'un homme, c'est sa femme. À une dimension donnée. À une étape donnée, c'est sa femme. D'accord, frère? On va y revenir, puisque ça fait partie d'une question là-bas. Verset 25. Mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ces cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait une personne pour la secourir, n'est-ce pas, frère? Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vient aller surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonoré, la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Je crois qu'on a amplifié maintenant Exode chapitre 22. Là maintenant on avait dit la valeur en argent, ici on a donné clairement quelle est la somme. Combien, frère? 50 cycles d'argent. Maintenant, continue. Il dit, nul ne prendra la femme de son proche, de son père, et ne soulevera la couverture de son père. Donc, il y a donc la valeur des vierges, c'est combien? 50 cycles d'argent. Vous ouvrez utilisez maintenant la conversion. Un cycle d'argent correspond à combien de talents? Un talent correspond à combien d'argent? ça correspond combien en CFA, multiplié en or, puis touché en dollars, et puis vous arrivez à franc CFA, puis son sens CFA. Vous voyez comment ça fait. Vous allez réfléchir 4 fois pour aller tenter le vierge. 50 cycles d'argent. Amen. Ok. Maintenant, frère, depuis le mercredi dernier, as-tu eu vent de ton épouse? Quelle est la suite? Pas de suite de son côté. Oui. Juste que la femme de son père m'a fait comprendre. Vous entendez là-bas, frère? Juste que la femme de son père m'a fait comprendre que elle avait eu son père au téléphone la semaine passée. Oui. Et son père lui avait signifié qu'il n'était pas d'accord. D'accord de quoi? De ce que le prophète a fait. De ce que le prophète a fait et de prendre la résolution d'aller annuler le mariage. Attends, qui? Autrement dit, ton beau-père. Oui. Il a dit qu'il n'est pas d'accord que quoi? Il veut dire que tu peux annuler le mariage ou donc quoi? Que ta fille divorce. Non, il n'est pas d'accord que vous divorcez. Oui, il n'est pas d'accord. Oui. Et qu'il n'est pas content qu'elle soit même encore dans cette église-là. Oui. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il a signifié? Et lui, il a dit je devais réagir comme un homme. Un homme réagit comment? C'est-à-dire saisir. Taper le pasteur là. Bon. Hein? D'abord ça, et puis c'est dit. Il faut dire les choses comme il s'est dit, comme il l'a dit. Parce que tu en avais allé dans le deuxième aspect sans toucher le premier aspect. Que tu devais aller d'abord lui donner un bon raclé. Oui. Et prendre ta femme de là. Oui. Comment tu me caches les expressions, frère? Il a parlé de ça. Vous voyez comment, même son beau-père, il a dû ménager. Il a dû ménager son beau-père. Donc il veut dire, c'est que j'ai donc. Ton beau-père dit, achète-moi pourquoi j'achète le problème. Alors, d'abord, avant que tu n'avances, la position de son beau-père est légitime. Souvenez-vous, dans la première partie, nous avons interrogé qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit que même le mariage, l'église ne voulait pas mettre les pieds, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Deux, ça va plutôt, et comme on avait, je crois qu'il avait posé ce questionnement, c'est avant qu'il ne vienne entrer en scène. Si ça arrête comme ça, quels sont les gens qui ne croient pas? Quel sera l'impact dans leur esprit? Son beau-père, quand il va être quelque part en train de boire quelque part avec les gens, il va dire que les gens qui gardent le mariage, il va voir peut-être à la télévision, les pasteurs qui peuvent dire que les voilà. Les gens qui dirigent l'église, ils gardent l'église. Pas vrai, frère. La voix de la vérité sera calomnée à cause de ça, c'est un. De deux, plus tard, quand il va voir quelqu'un venir prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'il va dire? Vous êtes les mêmes. Parce que celui-là parle comme ça. Il prêche comme ça. Le sang, le sang tombe sur la terre. Mais ce qu'il fait, c'est autre chose. Pas vrai? Ça, c'est autre chose. L'autre aspect maintenant, c'est que nous devons être des témoins. Témoins, c'est-à-dire qu'en parole, en acte dans la vie, nous devons porter le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Le propre ne doit pas être de passer par nous. Et nous ne devons pas être en scandale à personne. C'est ce que la Bible nous donne, n'est-ce pas, comme instruction. Maintenant, lui, si son beau-père est légitimement dans sa position, un, du non-croyant, et il agit en conséquence, d'accord? Dans cette lignée-là, où effectivement, malgré qu'il veut agir comme ça, il n'est pas encore allé à la ligne rouge. Parce que quand ça va toucher la ligne rouge, il va passer outre ce qu'il en est de vouloir penser, ce que celui-ci pense. Parce qu'en réalité, la Bible dit, quand la femme quitte la maison de son père, il est sous l'autorité de son mari. C'est pour ça que son père, le père de la jeune fille, ne veut pas outrepasser son autorité, parce qu'il est jusqu'à présent sous son autorité. Donc, il ne peut pas quitter pour aller agir en lieu et place, malgré que ce soit sa fille. Vous voyez cette position-là, n'est-ce pas? Il y a deux positions. Dans sa position de non-croyant, il est libre de dire n'importe quoi et de considérer qu'il faut qu'on fasse taper. C'est pour ça qu'il a dit à celui-ci, non, tu es un mou. C'était moi, achète-moi, vends-moi ton problème, j'ai pas, il règle son compte. Et s'il dit, si celui-ci donne son ok, que papa, prends ma femme là-bas, c'est que, à l'instant, avant qu'il me dise mon fils, il va dire que j'étais félicité, il va lui donner une bière avant d'avancer. Et qui trouve celui-là en blanc, en train de faire, oh Jésus-Christ est Seigneur, qui ferme ses yeux. Quand il va ouvrir ses yeux, il va sentir une allumette qu'on va lui allumer dans ses yeux, comme ça, il va réfléchir la prochaine fois pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on prend le nom du Seigneur Jésus-Christ en vain. On ne doit pas. Je crois que ça fait partie d'une autre question. Que doit-on être considéré comme marié devant l'église ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que l'église a à voir dans l'intimité des gens, dans leur foyer? Si ce n'est de donner le conseil qui est biblique, la manière dont Dieu a dit que les gens marchent, pas s'ingérer au point où de mettre la séparation. Le seul fait qu'il a mis le pied là-bas en séparant, la Bible dit que personne ne joint ce que Dieu a joint. N'est-ce pas? On ne doit pas séparer cela. D'accord, frère? Ce n'est pas à nous de prononcer cela. Ce n'est pas le rôle des prédicateurs. Vous me suivez? Alors maintenant, ça, là où le père veut, c'est qu'on intente une procédure en justice. Oui. Maintenant, la manière chrétienne de régler les problèmes, ce n'est pas comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez voir qu'il sera dans l'embarras maintenant. Cette fille sera dans l'embarras, le père est dans l'embarras. Parce que là où il est là, il est partagé entre deux. Il est en même temps dans la compréhension chrétienne et dans la satisfaction familiale non chrétienne. Là, il est au milieu. La pression familiale sera de ce côté-ci, que notre fils sorte de ce milieu. De ce côté-ci, il ne peut pas aller de l'autre côté pour dire que les chrétiens sont comme ça, lui, parce que lui, il est en plein temps chrétien. Donc, c'est un problème familial chrétien. Donc, c'est une famille qui est inclue dans notre famille. C'est la famille mondaine qui est beau-père de la famille chrétienne et qui a impliqué dans la famille chrétienne. Donc, le problème ici, son double sens. Ça touche en même temps la famille charnelle, non chrétienne, en même temps la famille chrétienne. C'est pas ce que vous comprenez. Alors ici, donc, il faut utiliser rapidement la manière chrétienne pour résoudre ces problèmes-ci. Pour que la sauvagerie des hommes ne vienne pas, que ça ne crée scandale. Parce que la presse n'attend que ces choses-ci. Parce que ça, ça peut sortir à la radio et à la télévision. Et une fois de plus, ça sera mis aux actifs de l'Église. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Il y avait dans l'église là, un commissaire qui venait là-bas. Oui. Et le commissaire, c'était un papa de son village, donc le village de madame. Oui. Et samedi dernier, comme il ne vient plus, oui, je l'ai appelé pour lui parler du problème parce que j'avais déjà trop de pression dans la belle famille. Mm. Quand il a suivi, il m'a dit d'aller le voir. Oui. Donc, il m'attendait là depuis mardi. Mm-hmm. Mardi de. Ah, de venir voir le commissaire, lui, le commissaire. Oui. Mm-hmm. Il est à la PJ là. Oui. Et au téléphone, il me dit il faut venir, tu déposes la plainte et on va les prendre. Attends, il était souvent en assemblée là-bas. Il était là-bas. Oui. Il m'a dit il ne veut pas exposer, c'est parce que c'est un problème qui risque de toucher tous les hommes de Dieu. Oui. Donc, il veut gérer ça parce que lui, il est aussi là-dedans. Oui. Donc, il est en même temps dans le cadre juridique, en même temps dans le cadre chrétien aussi. Voilà. Alors, comme c'est qu'il y a l'embarras aussi. Donc, mais je ne suis pas allé le voir. Pourquoi? Bon, parce que après, d'autres personnes m'ont dit que non, souvent les problèmes de ce genre, ça commence comme ça là et puis ça va prendre une autre tournure. Bon, on va regarder dans deux volets. Puis, comme il est commissaire chrétien, on va utiliser l'aspect chrétien de ce commissaire et de son influence pour influencer le prophète, pasteur et divorceur. On est d'accord? Je voulais ajouter quelque chose. Et après, il les a appelés là-bas. Oui. Maintenant, quand il appelle, au lieu qu'il écoute, parce que j'ai dit, il est trop orgueilleux comme homme de Dieu. Oui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a plutôt commencé à menacer le commissaire en lui disant que quand quelque chose de mauvais va lui arriver, il a envoyé le commissaire que si je suis prophète de Dieu, oui, tu sauras qu'il y a du temps de prophète. Le commissaire dit que hey, mon ami, quand les hommes disent quoi. Écoutez très attentivement, la Bible dit la moi, malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui. Et à moi aussi. Il a dit à. Parce que c'est pas moi qui m'appelle pas. Oui. Il a appelé ma nièce qui reste avec moi. Oui. Il dit à ma nièce que bientôt le fils va m'arriver. Oui. Bon, moi j'ai pas tenu compte de ça parce que quand je sais que ce que j'ai fait est en accord avec Dieu, je n'ai pas peur de la parole qui va sortir de la bouche de quelqu'un. Bon, il pose la question. Avec tout ce que tu as, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore racontées. Oui. Avec tout cela, avec le recul. Oui ou non, es-tu serviteur de Dieu dans ta pensée? Tu le considères comme serviteur de Dieu? Avec le recul et beaucoup de choses, beaucoup de déclarations qu'il fait, j'ai déjà beaucoup de doutes. Ok. Qu'il soit un serviteur de Dieu. La semaine dernière, nous avons appelé. Comme j'ai dit tout à l'heure là, qu'il faut qu'on résoudre la manière chrétienne. Il faut que j'explique donc ce que ça nous l'a dit, la manière chrétienne. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare que parmi vous, lorsque nous lisons cela, lisons 1 Corinthiens chapitre 6. Permettez-moi de trouver. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais la partie du verset 1, d'accord? Regardez. Verset 1 de 1 Corinthiens chapitre 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Tu as vu cela? Tu as vu ça, frère? Maintenant, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Lorsqu'il y a un problème au milieu des saints, ce sont les saints qui doivent régler cela. C'est ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Vous avez vu ça, frère? Puis il dit, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Vous voyez cela? Il dit, c'est déjà fait un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pour plus tard plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui ressort là-bas, la quintessence qui se ressort là-bas, c'est que lorsqu'il y a un problème entre les chrétiens doivent siéger pour résoudre ces problèmes-ci. D'accord, frère? Maintenant, la Bible donc dans Matthieu chapitre 18, si vous lisez le Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18, la Bible déclare que si ton frère a péché, va et reprend le seul. Si tu gagnes, s'il accepte, tu as gagné ton frère. Donc le problème est résolu. Si tu ne comprends pas et qu'il n'accepte pas, prends-en une ou deux personnes pour aller avec toi, afin que toute chose soit lavée sur les questions de deux ou de trois témoins. S'il ne l'accepte pas, dis-le à l'église. Pas vrai? Donc ça veut dire que l'église doit siéger pour cela. Si l'église siège pour cela et qu'il n'accepte pas, on le considère comme un païen. Donc exactement comme quelqu'un n'a pas pris, même si prenons le nom du Seigneur Jésus-Christ la prochaine fois. C'est que ça veut dire qu'il n'est plus sous la houlette d'un frère. C'est ce que la Bible dit. Parce que si quelqu'un est frère, on doit se soumettre les uns les autres et accepter la correction les uns les autres. C'est donc pour cela qu'il était dit que je devais l'appeler. Pour ça, pas dans ce procédure. Si tu n'as pas dans ce procédure ici, si tu vas tourner en rond. Parce que si tu dis, on va prier, ça va marcher. On va prier, ça va marcher. Mais il y a la manière biblique de résoudre le problème que Dieu a déjà donné. Avant que Dieu ne résolve le problème en mettant les choses, peut-être il va le convaincre pour qu'il change d'idée. Peut-être il va l'écarter de cela. Il faut qu'on avance dans la résolution que Dieu a déjà mise par rapport à cela. C'est si Dieu a une autre chose, par exemple comme la sorcellerie, et qu'il n'y a pas la solution dans la Bible, qu'on doit devoir envoyer, que ce soit la prière, pas la prière, que ce soit... N'est-ce pas si tu me comprends? Mais c'est ça, n'est-ce pas? Donc il y a d'ailleurs une manière que Dieu a dit dans la Bible que c'est déjà le problème, on règle. On ne peut pas aller outre cela et faire autre chose. Parce que si tu dis, on reste derrière, on prie, Seigneur, change le cœur, ça va prendre 10 ans. Et le père n'a pas toléré cela. Un de ces jours, vous allez entendre qu'on a rentré un camion avec ta femme. Tu comprends, n'est-ce pas? Pour ça, je suis bien d'accord. Oui. Mais je vous parle de quelqu'un que j'ai côtoyé environ pendant 2 ans. Il mange la pierre, frère. Non, c'est pas qu'il mange la pierre. Vous avez suivi l'autre jour quand vous avez appelé. Oui, mais j'ai suivi quelqu'un qui n'était pas de lui. Qui n'est pas directement, j'aurais souhaité que ça puisse lui en non, personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Là-bas. Bon, déjà, j'ai appelé tant fois. Voilà, déjà, pour rassurer, pour tous ceux qui étaient là, j'ai appelé. Ils ont dit qu'ils vont me rappeler, donc de mercredi jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas appelé. C'est pour ça qu'ils ont dit que je devais l'appeler étant ici. Maintenant, je suis surpris du fait que je n'ai pas de crédit. Donc, vous pouvez même arriver là-bas. Mm-hmm. Même pour le voir. Oui. On vous tourne. On ne va jamais vous. S'il n'accepte pas. Oui. Or, il peut même ne pas être au courant que vous êtes en train de le chercher. Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est tellement... C'est pas son numéro personnel, ça, hein? Ça, c'est son numéro personnel que je voulais donner. Oui. Donc, en fait, c'est tellement mystifié, le genre, tu te... Bon, si on peut dire, c'est comme si tu voulais rencontrer Paul Biya. Oui. Donc, c'est... Celui-là, il peut vous tourner même pendant des... Il va même vous dire que non, venez d'abord à l'église, venez à la prière. Pour qu'il prie pour moi. Ah, église de Dieu. Donc, pour le voir. Vous inquiétez pas, d'accord. S'il me connaît, mon cher. On est obligé de passer par la méthode biblique d'abord. Parce que si quelque chose arrive à votre épouse, c'est comme à répéter dans sa famille. Vous le faites, oui. Ok. Donne le numéro. Donc vous pouvez servir les votre cours de service, il y en a. Allô. Bonsoir, madame. Oui, bonjour. Je suis le frère Junior de Douala au Cameroun. Et bien dit que tu as bien dit que quoi? Courage, d'accord, mon cher. N'aie pas peur, d'accord. C'est qui? C'est ta son épouse là qui a répondu? Oui. Ah non, il faut que. J'espère que ton téléphone a bien le volume. Oui, j'ai pas peur. Il ne m'influence pas en fait. J'aime ça. Connaissant la personne. Bon, oui, tu connais sa manière d'agir. Oui, mais je fais confiance à Dieu. Les voix de Dieu sont insondables. Amen. Toi, si tu as deux sim, sim quoi, l'homme, ton sein? Combien? Bon, il n'a pas un numéro, orange. Parce qu'apparemment, le numéro que tu vas donner, c'est MTN. Il n'y a pas un numéro orange, parce que s'il y a orange, j'ai justement le crédit orange assez. Hein? Tout le monde a son arrière. Hein? Ok. On va dire ça à l'apôtre Paul, donc. Ça va, frère, non? Ça, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup particulièrement, n'est-ce pas? Tu m'attends seulement au tournant. Dans son cœur, il a cette question. Là-bas, il attend qu'il avance toujours, il t'attend. Voilà, je vais appeler là maintenant, d'accord? Donc, vous arrêtez le. Je crois que le transfert est venu, quoi. On va y aller, ça va. Je vais appeler là. Bonjour madame, c'est le frère Junior. J'ai appelé avec l'autre téléphone, ça s'est éteint. Pardon? C'est moi qui viens de vous appeler avec un autre téléphone. J'ai eu malheureusement, j'étais à court de la batterie. Oui, que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît? Je voudrais parler au prophète. De la part de? Du frère Junior. Vous êtes qui pour lui, s'il vous plaît? Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Ici c'est le standard du ministère, le feu et les anges de toutes les nations. Oui. Ça c'est le standard du ministère. Oui. Alors, on en est censé communiquer les jours de culte et le lieu où se tient le culte. Ok. Vous nous avez pris par quel signal? Par la télé? Non, j'ai eu votre numéro par un proche de vous. Donc je voulais lui parler. Y a-t-il pas possibilité d'entrer en contact avec lui directement? La possibilité d'avoir en contact avec la personne qui vous a remis le nom? Non, avec votre prophète. Non, je suis désolé, monsieur. Vous êtes à Douala? Je suis à Douala. Vous êtes à Douala, donc je suis censé vous donner les jours de culte, monsieur. Les jours de culte. Écoutez. Le vendredi à 18h et le dimanche à 9h. Écoutez, madame. Écoutez. Oui? J'ai appelé mercredi sur ce même numéro, un homme m'a pris au téléphone et je lui ai transmis la nouvelle que je voulais rencontrer votre prophète pour une affaire urgente le concernant. Oui, il m'a signifié qu'il... Il s'agit de quoi? Permettez, je vais aller jusqu'au bout, d'accord? D'accord. Bon, il m'a signifié qu'il devait me rappeler, il a pris ce numéro-ci, qu'il devait me rappeler de mercredi jusqu'à maintenant, il ne m'a pas rappelé. C'est pour ça que je rappelle encore. D'accord. Alors, monsieur, vous dites que c'est une affaire urgente concernant le prophète Christian. Oui. Je voudrais savoir de quoi est-ce qu'il est question. Puisque ça me rappelle, c'est le standard du ministère. Okay, vous avez pris le numéro par le biais de quelqu'un, par le biais de la personne. La personne, c'est qui? Donnez-moi d'abord. Et quand? Puisque ça concerne. Mais vous êtes chrétien, les choses doivent se passer de façon transparente. Pourquoi vous avez peur de donner le numéro pour que je vous parle? Je n'ai pas peur, monsieur. Si vous êtes dans une église, il n'est pas permis. Ce sont les règles, monsieur. Et je vous donne les règles de notre ministère. Il n'est pas permis de parler au prophète Christian. Si vous avez quelque chose d'urgent à parler au prophète Christian, vous passez par le standard. Et nous, on va prendre la peine de lui donner le message. Alors, il est question de quoi? C'est ça que je vous le demande. Pour que moi, je puisse aller transmettre mon message, en fait. On n'est pas permis d'appeler sur le standard du ministère. Pour imposer qu'on veut parler directement au prophète Christian sans savoir exactement de quoi qu'il est question. Madame, je pense que je m'explique aussi simplement. Madame, il s'agit de quoi? Madame, Oui. Je crois que j'ai été, on ne peut plus clair. Il s'agit d'une affaire urgente le concernant. Dis-lui donc, monsieur prophète Christian, quelqu'un a une affaire urgente te concernant. Comme ça, il saura quoi faire. Dis-lui comme ça. Il saura quoi faire puisqu'il n'a pas pris rendez-vous avec quelqu'un. Alors, je continue à vous donner le verbe culte. Je ne veux pas donner à votre culte, madame. Je ne veux pas le culte. Je veux parler à Christian. Ah, vous parlez à Christian ou au prophète Christian? Quelle est la différence, madame? Il y a une différence, c'est un prophète, on ne dit pas Christian. On ne dit pas Christian. Dans ce cas-là, c'est le prophète, prophète, madame. Je vous prie de m'excuser, c'est sûr que vous êtes trompé de numéro, monsieur. Ok. Donc, tout l'entourage est comme ça, là. Donc, c'est pour ça que l'entourage est. Tout l'entourage est comme ça, là. Parle, mange mon frère, mange. Je crois que ça va calmer la situation de non, soi. Non, non, moi je... Bon appétit. Donc, voilà l'entourage. Bon, c'est comme ça que vous recevez les gens là-bas dans votre ministère. Les gens qui sont mal à l'aise. Donc, en fait, de... Bon, alors, la personne qui parlait au téléphone, là, vous, la voix, si tu dis quelque chose, tu connais cette personne? La femme, là, est en train de parler. C'est votre femme qui est en train de parler comme ça? Oui. Vous devez admettre avec moi que l'Église a des problèmes à l'intérieur en son sein. Vous devez admettre, n'est-ce pas? Avant qu'on conclue cet événement de ce soir. Vous devez admettre que l'Église a un problème en son sein. Lorsque quelqu'un se présente, même sur la base même de la communication, même sur la base de la communication, vous devez savoir effectivement que la personnalité de cette personne, si elle, ce n'est pas, il y a des choses à redire, n'est-ce pas, frère? Même le standard de compagnies téléphoniques mondaines, on accueille les gens mieux que ceci, n'est-ce pas, frère? Nous sommes d'accord. Quand vous avez problème avec votre opérateur téléphonique, quand vous appelez là-bas, la façon dont vous reçoit là-bas. La façon que le standard vous accueille pour soumettre votre problème, même le ton vous donne d'abord satisfaction que vous aurez votre problème résolu. N'est-ce pas, mes frères? Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On va voir dans la suite la troisième partie et on va suivre cette affaire jusqu'à la fin, d'accord? Je vais préciser quelque chose. Oui. Ça fait partie des choses qui ont fait que ce comité est pas de là. Oui. Parce que la Bible demande de respecter les autorités. Oui. Et un comité de police principal, je pense que quelque part c'est une autorité. Je ne sais pas si tu peux lui donner son numéro en privé. Numéro de qui? De ce comité principal. Ou bien tu le rencontres, tu lui donnes mon numéro, m'appelle pour qu'on voit, on résout ce problème si rapidement. Donc, il a fait des mois et des mois là-bas. Oui. Il a souhaité rencontrer le prophète en privé, il n'a jamais eu. Étant membre de son assemblée. Étant membre. Donc, les deux choses l'une, soit tu me donnes son numéro, je vais m'appeler et je vais me présenter, disant venant de toi, il parle du commissaire ici. Mm-hmm. Soit tu le rencontres, tu lui donnes le numéro de m'appeler d'urgence pour que nous résolvions cette situation-ci, d'accord? Donc, c'est à toi de voir maintenant. D'accord? Je vais vous donner son numéro. Lui au moins, s'il n'est pas important. Ok. Donc, je crois que c'est un tu n'as pu l'appeler, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est presque la même chose que le jeune homme aussi vous a oui. Fait au téléphone. Bon. C'est le commissaire, c'est un anglophone? Non, c'est... Il est du... Oh, ok. Allons-y. Attends, je vais regarder. Il y a des gens ici qui sont très intéressants. C'est ça, non? Pour copier cette sonnerie, appelez 19. Pour pouvoir emporter un smartphone Huawei en téléchargeant plus de fonctions, appelez le 986. Thank you. là, il ne va plus décrocher. Il va décrocher, ce sont les gens qui travaillent pour la sécurité, ils doivent décrocher à toute heure. Pour que de retour de quoi tu dois être occupé? Ok. Donc je veux le rappeler. Et s'il arrive qu'il rappelle, on va faire part de la suite, d'accord? Ah, la maladie la plus difficile, hein? Ah ouais. Ça s'appelle Bias, Bias. Cette maladie, aucun médecin du monde. C'est les parties du corps que Dieu t'a donné pour séduire ton homme et pour bien le garder. Ayoubadé.